Que fait l'histoire d'El Sangal? C'est, ah ben on va prendre l'histoire de Joseph d'Arimathie qui était pas génial, et maintenant tu la lis, puis c'est beaucoup plus trépidant, parce que t'as des miracles, t'as 14 miracles de Dieu en plus, t'as des batailles, t'as tout ce qui fait en fait de l'action dans un roman médiéval a été injecté. Pareil pour la suite Vulgate, ben on va prendre Wass et Geoffrey, qui sont quand même un peu... Voilà, oui, c'est plan-plan. C'est plan-plan, on va les prendre, et puis là t'as Merlin qui fait de la magie, il y a l'histoire de Ninian, il y a du drame familial avec les barons, il y a des... Il y a quand même cette volonté de... on l'appelle la suite historique parce qu'il y a beaucoup de batailles et tout, mais il y a quand même une volonté de romaniser cette histoire et d'avoir des problèmes interpersonnels qui viennent se nicher là-dedans et créer du drame, en fait, oui, qui n'est pas forcément là avant. Alors après, bon, tenez-vous bien. À force de le cuisiner, j'apprends qu'il est de la famille de Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, vous êtes sûr? Ah, comme je vous le dis, Joseph d'Arimathie qui a recueilli le sang du Christ, le Graal, enfin tout le tableau. Oh la vache, ça c'est de l'indice. Bon bah et après? Après, il est mort. Quoi? Bon, ça c'est bien gentil, mais à quel moment on trahit? Dans les premiers temps? Ou bien, vous préférez laisser couler un peu d'eau sous les ponts? Et à quel moment on trahit... On trahit qui? Comment? On trahit qui? Le fils Pendragon, qui voulez-vous trahir? The boy drew the sword. If a boy has been chosen, a boy shall be king! No! I challenge that! The sword has been drawn! Are you with us or against us? Against you! Et tu enlèves le coup, là. Quand on veut être sûr de son coup, seigneur Dagonet, on plante des navets. On ne pratique pas le push. Rex Quondam, Rex Que Futurus. Épisode 18, l'histoire d'El Saint Graal et la suite vulgate du Merlin. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Que Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bonjour à nos auditeurs, qu'on a peut-être des nouveaux auditeurs aujourd'hui, parce que pour une fois on a parlé de nous dans la presse, disons grand public, ce qui est un peu inhabituel pour cette émission qui court depuis bientôt 2 ans. Ouais, dans la presse internet exclusivement quand même. Ouais, on a été cité dans, parmi les 9 podcasts de niche à suivre par la matinale du Monde, je crois, oui. En tout cas par l'équipe de Pixel dans la matinale du Monde. Donc nos auditeurs qui sont chez Pixel, bonjour, merci. Merci. Je ne suis pas sûr qu'on soit le plus grand public, effectivement, de ces podcasts de niche, même s'ils sont tous un peu... Je ne sais pas si on va gagner beaucoup d'auditeurs comme ça, mais alors c'est possible. Alors, si vous arrivez ici, malheureusement pour vous, le sujet d'aujourd'hui, on va en discuter dans un instant, est peut-être un peu abrupt. Là, on finit notre examen du cycle du Lancelot Graal, qui est un des grands cycles en prose du Moyen-Âge. Donc forcément, là, on regarde ce qu'on regarderait en dernier, ça a été rédigé en dernier, et c'est un peu peut-être pas la partie la plus éclairante et pas la partie qu'on préfère, elle a été un peu négligée, mais pas sans raison, et on va vous l'expliquer un peu en détail. Si vous ne le savez pas, Rex Quondam, Rex Que Futurus, c'est une émission qui cherche à examiner la littérature arthurienne, c'est-à-dire les légendes, les romans, les textes qui parlent de la cour du roi Arthur en général et des aventures de ses chevaliers. Et là, nous sommes en train de terminer l'examen du Lancelot Graal, qui est donc un des cycles les plus longs et les plus importants du Moyen-Âge sur ce côté-là. C'était un des grands aspirateurs, notamment, de la version quasiment canonique en anglais, qui est celle de Thomas Malory, donc le mortel d'Arthur, qui est inspiré justement des morts d'Arthur allitératives et stanzaïques médiévales anglaises, qui sont elles-mêmes largement des traductions, justement, des condensations de la post-vulgate et de la vulgate, donc des cycles en prose. Et la Vulgate en elle-même, c'est ce Lancelot Graal, en fait, qui a été appelé la Vulgate parce qu'il était de loin le plus courant et le plus commun, la version vulgaire, en la fait, version la version commune. La version du peuple, la version populaire. La version qui circulait beaucoup, celle des quantités de manuscrits assez effrayantes, presque, de manuscrits qui traduisent cet engouement, en fait, pour cette saga en particulier, par opposition, par exemple, à Chrétien, qui, même s'il est très diffusé, ne l'est pas autant que le Lancelot Graal, en fait. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment une version qui était très commune, et c'est de là aussi que viennent beaucoup d'images finalement assez canoniques, soit de cette vulgate justement de ce Lancelot Graal, soit de ses successeurs immédiats qu'on rassemble sous le mot de post-vulgate, qui vont codifier beaucoup d'éléments assez connus, en fait, de la table ronde. Oui, donc ces deux romans sont l'histoire d'El Saint Graal, qui reprend beaucoup, en fait, qui présage beaucoup la quest d'El Saint Graal, donc qui va essayer de mettre en place beaucoup de choses qui vont se réaliser dans la quest d'El Saint Graal, mais aussi dans le Lancelot, et qui va surtout faire ça, en fait, en intégrant l'histoire qu'on avait déjà vue, qui était généralement attribuée à Robert de Boron, celle de Joseph d'Arimathie. Donc on avait l'histoire de Joseph qui partait de Palestine, de la Terre Sainte avec le Graal pour aller vers l'Occident. Là, on va vraiment le faire arriver en Grande-Bretagne et commencer à convertir des gens. La suite, c'est ce qu'on appelle l'histoire de Merlin, qui est en fait composée de deux parties. Une qu'on a déjà vue, de nouveau, le Merlin en prose. Mais... celui de, c'est le Merlin en prose qui est attribué souvent à Robert de Boron, en fait, qui est censé être la mise en prose d'un roman en vers attribué à Boron, lui-même une continuation du Joseph d'Arimathie en prose de Robert de Boron, enfin censé être la mise en prose de la mise en vers, de la version en vers de Robert de Boron. Bref, c'est la première partie, vous la connaissez déjà, on l'a traitée dans notre épisode sur Merlin, et en fait la version de la Vulgate, la version du Lancelot Graal, en fait reprend cette histoire avec quelques distinctions pour l'adapter un peu aux aléas de l'histoire du Graal, justement. Il y a quelques noms qui changent, quelques personnages qui n'ont pas tout à fait le même rôle. Et bien sûr, ce n'est pas Perceval qui sera le héros du Graal, c'est Galad. Mais il y a quelques différences subtiles. Mais la principale différence, c'est alors que la version de base du Merlin se finissait soit par le couronnement d'Arthur, soit par une espèce de petit pont qui menait vers le Perceval en prose dans la version qu'avait édité Misha, là, on se retrouve avec une longue suite qui est qu'on appelle aujourd'hui la suite Vulgate, ou la suite historique, par opposition à la suite qui est caractéristique de la post-Vulgate, qui est appelée la suite du Merlin, ou la suite du roman de Merlin, et non pas la suite Vulgate. On ne l'appelle jamais la suite post-Vulgate, personne n'a pensé à l'appeler la suite post-Vulgate pour la distinguer. Cette suite du post-Vulgate donc, est appelée souvent la suite romanesque, ou simplement la suite du roman de Merlin, parce qu'elle est en fait plus connue que la suite Vulgate. La suite Vulgate que nous allons traiter aujourd'hui est un texte très long, qui est beaucoup, beaucoup plus long que le Merlin, qui est même beaucoup plus long que l'histoire du Graal, qui est peut-être le texte le plus long à part le Lancelot, de cet ensemble du Lancelot Graal. Il est très riche en batailles rangées et en trahison entre les barons d'Arthur et celui-ci, ce qui lui a valu une réputation, disons, un peu de texte un peu stérile, mais elle recouvre quand même pas mal d'éléments intéressants, notamment l'origine de plusieurs petits faits ou de plusieurs petits détails intéressants, notamment la naissance de Mordred. L'enfermement de Merlin, l'enfermement de Merlin aussi, par exemple. Et donc c'est surtout une histoire où Arthur va s'affirmer contre ses barons, où ça va être vraiment le début de son règne assez laborieux, où il va devoir se battre un peu contre tout le monde pour qu'on le respecte comme roi, jusqu'à ce qu'il enchaîne sur une autre guerre qui se passe en la marche de Gaulle et qui est le début du Lancelot dont on vous a déjà parlé. Donc il raccorde vraiment le Merlin à ce cycle. Et il faut peut-être le préciser, c'est vraiment l'histoire de Merlin en fait. Le cycle, c'est pas parce que cette continuation change un peu de focalisation, au lieu de parler justement des exploits de Merlin pour mettre Uther sur le trône, c'est vraiment les exploits d'Arthur. Merlin reste un personnage central et il va rester le facilitateur principal de la montée en puissance d'Arthur dans toute l'Europe en fait. Et ces deux histoires sont donc des textes qui ont été rédigés à la fin, donc après les trois autres qu'on a vus, voilà, pour intégrer cet héritage boronesque, si on veut, dans le reste du cycle. Et ils ont vraiment ce côté très prequel, très prélogie. On va essayer de rétrofiter, rétro-intégrer des trucs qui sont passés après et de leur donner, de vous raconter en détail leur origine, ce qui est parfois un peu laborieux quand vous la connaissez déjà. Une dernière petite précision pour clore cette introduction. On sait que les romans, l'intégrale de cette Vulgate, de ce Lancelot Graal, était déjà codifiée autour de 1280-1286, parce que c'est la date de rédaction du manuscrit de Bonn, qui est, je crois, le plus ancien dont on est sûr de la date. Et c'est-à-dire qu'on est à peu près, probablement là, à la fin des... dans la deuxième quart, disons, du XIIIe siècle, pour la rédaction de ces derniers romans. Autour de 1230-1235, c'est la date qu'on donne généralement. Et on va voir là la naissance finale et l'achèvement de ce grand cycle. On vous retrouve après cette introduction et une petite pause musicale pour parler donc de l'histoire d'El Saint Graal. Donc on va commencer à vous parler de l'histoire d'El Saint Graal, donc l'histoire du Saint Graal, je pense on va dire, on va éviter de faire fourcher nos langues comme ceci. Comme son nom l'indique, ça peut être un peu confusant. On avait déjà un roman de l'histoire du Graal de Robert de Boron qui a été ensuite mis en prose, qu'on appelle généralement le Joseph en prose, parce qu'il parle de l'histoire de Joseph d'Arimathie. Et maintenant, on a une histoire d'El Saint Graal, et on pourrait se dire c'est la même chose, c'est le même texte. D'ailleurs, il y a des gens qui font l'erreur. Il y a un site, esmeon.wikisite ou je sais pas quoi, qui poste des résumés d'œuvres de la légende arthurienne que j'avais utilisé plusieurs fois, juste pour voir un petit résumé ou comme ça. Et sur la page de l'Histoire d'El Saint Graal, il dit « Oh, c'est juste une mise en prose du roman de l'Histoire de Graal de Robert de Boron. » Ben, c'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, clairement, le début de l'histoire, c'est pareil. C'est l'histoire de Joseph d'Arimathie dont vous avez parlé dans notre 9e épisode. On vous avait déjà parlé de ce texte. Sauf qu'il est beaucoup plus long. En fait, il y a l'histoire de Joseph d'Arimathie, elle est prolongée par énormément d'épisodes. On a rajouté des batailles, on a rajouté des scènes de prédication, on a rajouté des miracles, et on va raconter vraiment comment le Graal arrive en Grande-Bretagne. Alors, ce qui se passait dans Joseph d'Arimathie, ben, je vous renvoie à notre épisode, mais basiquement, à la fin, on nous disait, voilà la descendance qu'il va y avoir, voilà les fils, dans les 12 fils... c'était le de Bron, il y avait Alain le Gros qui était chaste par-delà toute espérance, qui allait partir avec le Graal dans les Vaux d'Avalon. Et puis il y avait 2-3 fils qui n'étaient pas complètement raccordés par l'histoire. Il y avait un certain Pétrus, on ne savait pas ce qu'il devenait. Il y avait Moïse sur le siège périlleux, on ne disait pas explicitement qu'il avait été en enfer. Et puis dans le Merlin en prose et le Perceval en prose, on ne répondait pas complètement à ces questions. Mais donc on avait un début où on disait ouais, le Graal va se barrer à l'ouest en Avalon. Ok. Dans les Vaux d'Avalon, et on comprenait que c'était la Grande-Bretagne, et que du coup ça racontait sa translation, son transport en Grande-Bretagne. Ici, on va faire quelque chose de différent, on va nous dire explicitement comment Joseph d'Arimathie et son fils Joséphé vont arriver en Grande-Bretagne et en fait fonder l'Église. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus fort, où littéralement, c'est eux qui créent l'Église, ce qui entre un peu en friction et en concurrence avec l'histoire de l'Église telle qu'elle est connue normalement, parce que c'est quelque chose qui est hétérodoxe, en fait. Vous avez très peu de présence des premiers apôtres de l'Église de Jérusalem, des premiers conflits du christianisme. Vous avez vraiment cette espèce de speedrun de la chrétienté, où vous avez Joseph d'Arimathie qui récupère le Graal et qui a ce sacrement particulier et qui va l'amener en Grande-Bretagne. Joséphée est, on va en parler, mais il est littéralement sacré évêque par le Christ. Donc c'est pas juste le sacrement, la communion des évêques, les évêques qui ont tous, d'une manière, qui remontent à Saint-Pierre, qui lui remontent au Christ, donc vous avez cette communion un peu par procuration. Non, non, Joséphée a été sacré par Jésus lui-même, qui est descendu sur terre dans une espèce de vision exprès pour ça, et il lui donne une huile qui va d'ailleurs servir à sacrer tous les rois de Bretagne. Donc vous avez un lien, la création d'un lien extrêmement fort entre la Grande-Bretagne et Jésus lui-même, qui est, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, presque hérétique, presque hétérodoxe. Maintenant, il ne faut peut-être pas le prendre trop littéralement, les gens ont toujours su que c'était de la fiction, c'est-à-dire que ça existe dans un registre différent de beaucoup de littérature, de littérature sainte, si on veut, mais ça n'empêche pas que les implications qui sont derrière sont quand même assez fortes. Il faut dire, avant toute chose, je pense qu'on peut avouer qu'on n'a pas lu les deux textes, donc c'est moi qui ai écopé de l'Histoire d'El Saint Graal pendant qu'Antoine a eu la suite Vulgate. J'ai réussi à arnaquer Antoine sur le coup là, parce que à la base je pensais que la suite Vulgate était plus courte, mais en fait c'est lui qui a eu le plus gros message. Je crois qu'elle a à peu près... La suite Vulgate fait à peu près 90 folios, je crois, dans le manuscrit de Bonn, qui est donc utilisé par Poirion et Walter pour l'édition Pléiade. Contre quoi, une soixantaine de folios? Ouais, 59 folios pour l'histoire d'El Saint Graal, ouais. Pratiquement une fois et demie, quoi, en termes de... En termes de pages, bon, là, c'est bilingue, donc vous avez le texte en ancien français au bas de la page, vous avez 567 pages pour l'histoire d'El Saint Graal, tandis que la suite Vulgate, seule, sans le Merlin, fait 860 pages, si je dis bien. Oui, le Merlin est tout petit, le Merlin occupe à peu près 20 folios, quelque chose comme ça, 23 folios, je crois, dans le manuscrit de Bonn. Donc, ouais. C'est vraiment pratiquement presque 5 fois plus grand, en fait, la suite par rapport au Merlin. Donc, effectivement, c'est toi qui as eu un peu la tâche la plus facile, mais je pense que j'ai lu de façon assez, disons, en passant beaucoup de détails de bataille, parce que la suite Vulgate se compose très largement de grandes, grandes batailles, en fait. Oui, on avait déjà cité Bruce dans notre premier épisode où on mentionnait, il disait que c'était la portion la moins imaginative et la moins intéressante de tout le cycle. Et il se trouve qu'on va parler plus tard des éditions et du destin de ce texte-là, mais effectivement, le consensus est que c'est pas un texte qui intéresse beaucoup de monde. L'histoire d'El Saint Graal non plus est pas vraiment... passionne pas vraiment les foules, on va dire. Il y a eu beaucoup de commentaires dérogateurs sur ce texte lors de l'histoire de son édition. Typiquement, je crois que Frappier disait que c'était un Porsche de style bâtard ajouté après coup à la cathédrale. Donc c'est vraiment, on a fini la cathédrale, on va rajouter un petit bibelot devant, et puis c'est l'histoire d'El Saint Graal. Donc quelque chose d'assez dérogatif pour les grands éditeurs. Peu de gens s'y sont frottés, Micha s'y est pas vraiment frotté, il y a beaucoup de gens qui se contentaient de l'édition de Summer pendant très longtemps parce qu'il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Donc oui, la grande édition hein, de 1909, basée sur les manuscrits de la British Library, qui reste notamment pour la suite Vulgate, la seule édition encore, on le mentionnera après. Il faut donc se dire, voilà, il y a l'édition de l'histoire d'El Sangreal a été faite en plusieurs temps. Il y a d'abord eu une édition et une traduction assez bizarre par Furnival entre 1861 et 1863 en vers anglais. Donc il l'a traduit en poème anglais. Et donc à côté des poèmes anglais, vous avez le texte français qui est segmenté en fonction de comment il a traduit. Donc vous avez le texte français qui est parfois segmenté à un ou deux mots, trois mots comme ça, en correspondance avec les vers, ce qui donne un effet assez bizarre. Mais donc c'est une édition de 1860, des années 1860. Peu de temps après, il a été édité par Ucher entre 1875 et 78 en français, donc à la fin du XXe siècle. Il appelait ça le petit, le grand Saint Graal, c'est quelque chose qu'on retrouve encore, donc cette idée qu'il y a le petit Graal de Robert Boron, le grand Graal. Bon, moi je trouve que ça ajoute plus de confusion qu'autre chose, mais basiquement il a pris le manuscrit du Mans, comme l'édition Furnival, qui est un manuscrit qui comporte le Joseph d'Arimathie, donc le Joseph en prose qu'on a déjà édité, dont on a déjà parlé, on l'a pas édité. Ce qui est assez court, qui parle donc juste de l'histoire de Joseph d'Arimathie, puis l'histoire d'El Sangreal qui rajoute toutes ces batailles et toutes ces conversions de rois, qui sont dans le même manuscrit à la suite l'un de l'autre. Il les a édités. Ça a été une édition de référence française pendant longtemps. Il y a aussi un commentaire français en français moderne avec, mais sinon c'est juste une édition. Sommaire a fait sa grande édition des manuscrits de la British Library, 10292 et 10293, 4 et 5, je crois. Avant c'était un seul manuscrit, il a été séparé en plusieurs cotes. Mais donc c'est une grande édition d'un manuscrit complet du Monstre Graal plus des variantes qui est assez intéressante et qui est encore utilisée aujourd'hui d'ailleurs. Sommaire, les variantes qui ont été mises en place par Sommaire, qui ont été relevées par Sommaire pour l'histoire d'El Sangreal, je crois, ont encore été utilisées dans l'édition de la Pléiade. Donc ça, beaucoup de problèmes avec cette édition, mais elle reste intéressante. Il faut attendre 1997, donc 1997 pour nos auditeurs français métropolitains, pour qu'on ait une édition relativement critique, c'est-à-dire plutôt que juste un manuscrit et on choisit et qu'on dit que c'est le meilleur manuscrit, on essaye de faire une combinaison un peu larmanienne comme ça de différents manuscrits, par Jean-Paul Ponceau. Avec le manuscrit Rietman qui était autrefois conservé à Amsterdam et le manuscrit de Rennes. Ça a généralement été salué comme une édition intéressante, et puis justement ça reste une édition, donc il faut lire le français médiéval, il n'y a pas de traduction avec. Maintenant, pour une édition et traduction de l'histoire d'El Sangreal, malheureusement, je dirais qu'encore une fois, la seule qu'il y a, c'est celle de la Pléiade, donc qui coûte quand même assez cher. Nous, on l'a prise en bibliothèque universitaire, vous la trouvez souvent. Donc c'est l'édition de la Pléiade avec le texte en français moderne, puis le texte en français médiéval au bas de la page, qui souffre de beaucoup de problèmes quand même. Peut-être à cause de la situation dans laquelle elle a été faite, c'est-à-dire que Poirion avait fait le plan de cette édition, et puis il était mort avant qu'elle puisse paraître. Chaque section a été confiée pour l'édition à une personne, pour la traduction à quelqu'un, parfois par la même, pas toujours. Donc vous avez une segmentation du travail qui pose quelques problèmes. Bon, en l'occurrence, c'est l'édition de Gros qui est aussi traduit normalement. Il a tout fait, il a établi, traduit, annoté et présenté, donc ça oui. C'est relativement uniforme. Là, c'est lui qui l'a fait, mais à d'autres endroits, ça va poser souci. Mais donc c'est une édition qui est quand même un peu définitive. Vous avez le manuscrit de Beaune, donc encore une fois, comme Sommaire, leur choix, eux, par contre, ça a été, on va prendre un manuscrit où il y a tout, il y en a 5, je crois, et on va prendre le meilleur, c'est celui de Beaune, le S526. C'est le manuscrit à la bibliothèque universitaire et l'Université de Landesbibliothek Beaune, pour être très précis. Pour être très précis. La bibliothèque publique et universitaire de Beaune, quoi. Ce qui veut dire que c'est pas forcément le meilleur témoin du texte et qu'il y a même parfois des problèmes d'incohérence ou autres qui vont pas être forcément résolus par ça. À noter qu'il avait quand même été établi dans ses manuscrits, en tout cas pour le Merlin de Micha, comme un relativement bon manuscrit. Mmh. Hein. Non, il est généralement reconnu comme un bon manuscrit. Puis généralement, c'est assez intéressant qu'on voyait ces vieux éditeurs de textes qui vous disent « Oh, il y a ce manuscrit-là qui est très bon ». Puis souvent, on se demande « Mais pourquoi tu as pas choisi ce manuscrit-là » Puis souvent, la réponse, c'est que c'était pas pratique et puis qu'ils préféraient en prendre un auquel ils avaient un accès plus sûr. Donc pour le lire, c'est l'édition de la Pléiade, généralement. Il y a aussi eu d'autres éditions dans des thèses qui n'ont pas été publiées par Christophe Agar en 2002, une édition critique de la version courte. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de version courte, version longue, mais il y a des versions plus ou moins développées de ces textes. En 2002, il a fait une édition en 3 tomes de 1025 pages, qui était en fait sa thèse de doctorat. Et Aurélie Delamarre, en 2003, à l'École nationale des chartes, pour son diplôme d'archiviste paléographe, qui a fait une édition partielle, en fait un commentaire linguistique et une édition partielle d'un manuscrit de la Bibliothèque royale de Bruxelles, si je ne dis pas de bêtises, de numéro 9246. Donc ça, c'est qui n'ont pas été publiés, vous pouvez peut-être les consulter suivant où elles ont été déposées. Mais donc il y a eu des éditions un peu comme ça, marginales. Et puis bien sûr, vous avez, qu'on l'a déjà mentionné, une traduction anglaise du texte établie par Carol Chase de History of the Holy Grail, si vous voulez le lire en anglais, pour je ne sais pas quelle raison. C'est donc cette grande édition, je crois 4 ou 5 volumes, dirigée par Norris J. Lacey, donc qui comprend à la fois le cycle de la Vulgate, donc l'Ancien Graal et la Post-Vulgate, dans une traduction, vous voyez, c'est 5 volumes, donc les, dont deux volumes entièrement consacrés à Lancelot, parce qu'évidemment, c'est gros, c'est pas pratique, vous pourrez pas l'acheter facilement, mais vous le trouverez en bibliothèque universitaire. Je crois que l'édition utilisée de base est celle de Sommer, en tout cas pour l'histoire du Graal, parce qu'il se base sur Misha et Sommer pour le Merlin, donc ils ont pas autant de choix pour l'histoire. Mais c'est pratique, disons, c'est peut-être moins terrifiant à lire que la Pléiade, suivant comment, même si c'est plus massif. Oui, bah, mécaniquement, elle a été publiée en 1992, donc il n'y avait même pas l'édition de Ponceau, il n'y avait pas l'édition de la Pléiade, donc forcément l'édition de Sommer, c'était un peu l'édition de référence encore pour le coup. Ces textes sont pas vraiment, on l'a dit, intéressent pas vraiment les gens, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de petites perles, de petits épisodes que je trouve assez sympa dedans, un ton qui peut quand même avoir quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'on est à moitié dans une histoire très sainte et dans une autre moitié, on veut quand même maintenir le public intéressé, donc on va avoir des grandes batailles, des combats, des prouesses chevaleresques, même si par exemple dans la quête d'El Saint Graal, vous aviez un message très antimilitariste et très pacifiste, vous dire ah non, il faut absolument pas faire de violence, moi à part sur ces trois sarrasins là, parce qu'ils sont vraiment, enfin ces trois types là ils sont pires que des sarrasins, on peut les tuer, ils sont complètement déshumanisés, mais sinon il faut pas se battre. Là par contre on va quand même essayer de concilier d'un côté les visions saintes et le côté très glorification des ermites et de l'église, etc. Et en plus, on veut quand même vous mettre de la bonne baston. Donc, pour donner un résumé global de l'histoire d'El Saint Graal, il s'agit de l'histoire encadrée, parce qu'il y a un petit prologue où il y a un narrateur qui nous explique, le narrateur nous explique comment il a su cette histoire, en fait, par une révélation divine. Mais au-delà de ça, c'est l'histoire de Joseph d'Arimathie qui se fait emprisonner après la mort du Christ, qui récupère son corps, qu'il fait enterrer, emprisonné par, généralement, un côté un peu antisémite, c'est toute la faute des Juifs qui l'ont fait emprisonner, mais le Graal qu'il avait récupéré lui est transmis en prison, et le maintien dans sa prison lui permet de survivre malgré le fait qu'il n'ait pas de nourriture. Il est libéré, après des années où tout le monde a vieilli autour de lui, mais lui, il a été préservé par le Graal, apparemment. Et à partir de là, Jésus lui enjoint de fonder une communauté qui va pouvoir se balader et aller faire des miracles et évangéliser le monde. C'est ce qu'il fait. Ce qui l'amène à évangéliser divers rois. Là, on est toujours aux divers rois, on est toujours au Proche-Orient, donc dans la région de Saras, où il y a des Sarrasins. Donc, il y a un peu cet anachronisme où les Sarrasins, c'est théoriquement pas des musulmans, parce que les musulmans n'existent pas encore, c'est un peu des païens, mais ils ont déjà des traits très musulmans. C'est logique, vu l'époque où c'est écrit, on est en plein dans la folie des croisades, donc forcément c'est à ça qu'on identifie une espèce de maelstrom païen, musulman, tout ce qui n'est pas chrétien, on le mélange un peu ensemble. Et les évangélisés, plusieurs rois vont se convertir, notamment Mordrin, qu'on va retrouver dans la quête d'El Saint Graal. Et ensuite, au bout d'un moment, ça c'est un peu la première partie qui se passe au Proche-Orient, ensuite de ça, ils vont aller en Grande-Bretagne, et pareil, ils vont évangéliser des rois là-bas. J'avais dit dans la quête d'El Saint Graal que c'était un mélange un peu de croisade et d'Ancien Testament, et là c'est encore plus frappant, donc on a déjà le côté un peu anti-musulman, alors que les musulmans ne devraient même pas exister, mais en plus, on a des traits qui sont très très clairement des emprunts à l'Ancien Testament. Typiquement, quand ils transportent le Graal, ils vont le mettre dans une arche. Et ils vont mettre des gens, trois personnes, on va dire, voilà, ils sont décidés pour être les gardiens de l'arche, pour qu'il y ait tout le temps autour de l'arche. Plutôt que là, vous êtes, mais on est dans l'Ancien Testament, ils sont le nouveau peuple élu, ils ont l'arche, ils se baladent. Il y a même une traversée miraculeuse de la mer, donc là, on est vraiment, on pense à Moïse. Pour aller en Grande-Bretagne, Joseph se met à marcher sur l'eau derrière le Graal, et puis les gens se mettent sur le pan de sa chemise, et puis miraculeusement, le pan de sa chemise peut contenir plus de 100 personnes qui marchent derrière lui, à part ceux qui n'ont pas la foi, bah eux ils tombent dans l'eau et puis ils vont devoir venir en bateau plus tard. Mais donc vous avez un côté très Ancien Testament, et je pense qu'une des images qui revient le plus à l'esprit quand vous lisez l'histoire d'El Saint Graal, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui avait été abandonné par ses frères, et puis vous vous rappelez, ils ont été tirés en interprétant les rêves du pharaon. Le pharaon voit des vaches maigres et des vaches grasses, et puis Joseph interprète ça comme étant un signe d'une famine à venir, et par son interprétation, comme sa prédiction se retrouve vraie, il arrive à entrer dans les bonnes grâces du pharaon, et plus tard à bien faire bisque-biscrage à ses frères quand ils viennent mendier devant lui, alors qu'il est le sénéchal de pharaon, si on veut. Là, vous avez un peu la même chose où, à plusieurs reprises, les héros de cette petite communauté chrétienne, proto-chrétienne, se retrouvent devant des monarques, des rois, que ce soit au Proche-Orient ou en Grande-Bretagne, et vont soit avoir une connaissance de leurs péchés, c'est-à-dire ils savent « je sais ce que tu fais quand personne ne regarde, je connais tes péchés, même si tu penses que personne ne les connaît parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu », ou bien ils connaissent leur passé, genre « je sais que tu étais un berger galiléen, je sais que tu as vu la Passion du Christ, je sais que tu étais en fait un Gaulois qui a été kidnappé par l'empereur Auguste », donc ils connaissent leur passé, ils les rappellent à l'ordre si on veut, et aussi ils interprètent leurs rêves et leurs visions. Donc il y a différentes phases où il y a un roi qui va avoir différentes visions qui lui permettent de qui sont en fait des annonces du christianisme qui sont assez évidentes quand vous les lisez, mais il a besoin de ces personnages pour les comprendre, et donc il se convertit au christianisme, et puis après la communauté va un peu plus loin. C'est généralement l'histoire globale. Il y a une chose qui a été dite, un extrait du livre de Michel Skilnik, L'archipel du Graal, qui a été publié chez Drow en 1991, qui est généralement considéré comme un des incontournables en fait, des livres sur l'histoire du Graal, qui dit notamment « La grande ambition de l'histoire, c'est de fonder le cycle du Lancelot Graal, de le clore en amont, et de préparer la venue du monde arthurien, l'épiphanie de l'Occident et de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi il lui revient de mettre en place la géographie du cycle, de réinstituer les rites du christianisme et d'instituer les traditions arthuriennes, de garantir par l'extraordinaire dispositif du prologue la vérité de l'ensemble de la Vulgate, enfin d'établir l'origine et la noblesse des lignages en s'intéressant à des personnages dont les aventures et le caractère sont à peine esquissés dans les autres romans du cycle. » Donc effectivement, on rajoute un prologue où il y a quelqu'un qui a une révélation divine de cette histoire pour dire en fait tout ça est vrai, parce que ça a été révélé directement par Dieu. On a la fondation de lignage, ça je vous en parlerai surtout à la fin, où on nous explique vraiment la lignée de Lancelot d'où elle vient. Alors on a dit jusque-là dans le cycle du Lancelot Graal, c'était parfois un peu confus. Est-ce que Galad descend du roi pêcheur de Joseph d'Arimathie d'un côté, des deux côtés? On n'était pas complètement sûr. Là on va le souligner. Et on verra aussi le lignage de la maison d'Orcanie, le lignage... qui sera fondé par un des anciens compagnons de Joseph et de la lignée du roi pêcheur en fait. On verra un peu d'où vient tout ce petit monde et comment ils descendent de cette communauté là. Donc il y a vraiment la volonté de créer une préhistoire qui fonde le cycle arthurien. Quelque chose qu'on retrouvera dans une autre mesure au XIVe siècle. On aura dans le Perceforest exactement la même idée. Le Perceforest, on parle souvent de préhistoire arthurienne. C'est, je pense, c'est un peu l'ancêtre du Perceforest qui a un cas un peu à part. On en parlera peut-être un jour, mais c'est un peu la même idée. Donc maintenant, je vais commencer. Le prologue nous dit qu'on est en l'an 717 et que lors de l'Office des Ténèbres, donc il y a un office théoriquement pendant la nuit, entre le jeudi et le vendredi saint notamment, donc là on est entre le jeudi et le vendredi saint pendant la Pâque, un moine a une vision divine et reçoit un livre dont le format n'excède pas la paume, donc un tout petit livre qui prend la taille de sa main, et qui plus tard va disparaître, mais qui fonde la véracité de ce qu'il va entendre. Et même, il lit le livre, et il y a une espèce de présage un peu méta comme ça, où on nous dit... qui regarde plus loin dans le livre et il voit écrit « C'est le début du Saint Graal. Il était midi passé lorsque j'y trouvais. Ici commencent les grandes peurs. Je poursuivis jusqu'à lire des choses fort épouvantables. » Et « C'est le début du Saint Graal », c'est quelque chose qu'on trouve dans le texte qui va suivre, qui parle du début de l'histoire du Graal. Et « Ici commencent les grandes peurs », c'est aussi une phrase qu'on trouve dans le roman pour dire « Voilà quand il y a certaines aventures de Mordrin qui vont commencer, en fait. » Donc il y a vraiment un lien assez net entre le texte tel que veut le raconter le narrateur, disons, et ce qu'il est présenté comme lisant, quoi. Oui. C'est exactement une façon de dire « Ah, voilà, le texte que vous allez lire, bah, je l'ai lu exactement comme vous allez le lire, vous. » Il l'a lu, et en plus, ça va lui être inspiré par Jésus. Donc, il a une énorme vision de la Trinité. Et donc, il dit « Oh, je vois la Trinité, et puis je vois Dieu. Et puis bon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais que Jean a dit que personne n'a vu le Père, si ce n'est moi, et que moi, je peux pas faire ça. Mais en fait, on peut pas voir le Père quand on est sous forme matérielle. Mais là, j'étais dans une vision. Alors, comme j'étais dans une vision, je peux voir Dieu. Ce qui veut pas dire que je suis hérétique. » Jusqu'à ce qu'un ange remette son esprit dans son corps, donc il y a vraiment cette espèce d'idée d'expérience, projection astrale si on veut, où il a cette vision énorme, parce qu'il doutait un peu, mais après ça il doute plus, parce qu'il y a la vision qu'il a dit, trois choses sont une, puis donc le dogme de la Trinité est complètement accepté. Sous une croix auprès d'une fontaine, le narrateur voit la plus étrange des bêtes, d'une blancheur de neige fraîche, elle avait la tête et le cou d'une brebis, des pattes et des cuisses de chien, noir comme du charbon, le poitrail, l'échine et les flancs d'un renard et une queue de lion, donc une espèce de chimère un peu bizarre. Et il la suit, elle l'accompagne, elle n'a pas l'air d'être une bête méchante ou quoi que ce soit. Et dans une chapelle, il trouve un ermite qui est clairement possédé. Donc l'ermite, il a les yeux révulsés, il est un peu en train de mourir, il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait le signe de croix sur lui, puis il voit qu'il commence à s'agiter, ah, il est clairement possédé. Et il retrouve le livre, il l'avait perdu, c'est-à-dire qu'il avait été dormir, il s'était réveillé, il avait trouvé de la nourriture qui avait été apparemment préparée par Dieu pour lui, mais le livre avait disparu, et là il arrive dans cette chapelle, il retrouve le livre, et il dit qu'il l'apporte sur le seuil, et après était-il auprès du possédé, que le diable se mit à crier. Il surgit alors un nombre impressionnant de diables, je n'imaginais pas qu'il y en eût autant au monde. À la vue du livret, ils s'enfuirent tous, mais celui qui hantait encore le corps ne pouvait trouver d'issue par la bouche, tant à cause du livret que du signe de la vraie croix. C'est-à-dire qu'il a fait le signe de croix sur lui, donc il ne peut pas sortir par la bouche, et il dit... Il se remit à crier et dit « Ôte le livret, et j'en sortirai. » Et là, le type répond « Je lui enjoignis d'en sortir par en bas et il s'exécuta très vite. Sitôt sorti, il s'en alla si vigoureusement qu'il semblait abattre le bois devant lui. » Donc, je ne sais pas si ça veut dire qu'il sort par son orifice anal, il sort par en bas. Genre, il dit littéralement qu'il ne veut pas sortir par la bouche, puis après, il sort par en bas. Je ne vois pas mille autres explications pour cet exorcisme. Non, c'est... Je ne sais pas si c'est humoristique ou quoi, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Enfin, peut-être que j'ai mal lu le texte, mais c'est ce qui me semble impliqué. Et là, il y a un truc que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a plusieurs moments où le type est clairement dans une espèce de perspective sceptique, où il a l'air de dire « Je sais que cette vision où j'ai vu Dieu, les gens vont pas me croire. Ils vont pas me croire quand je vais le dire. » Il se rend compte que c'est une expérience qui est pas habituelle. Et surtout, cette bête bizarre qui l'accompagnait, il y a un truc qui est très intéressant. Il dit que l'ermite, une fois qu'il a été exorcisé, voit la bête aussi, mais jamais je n'ai eu l'occasion de me rendre compte si quelqu'un d'autre que lui avait aperçu cette bête. Donc il y a l'idée que oh, je suis pas complètement fou parce que quelqu'un d'autre a vu cette bête que moi, mais je sais pas si quelqu'un d'autre encore l'a vu. Donc il y a cette espèce de finalement de doute assez zététique où il se pose la question de si c'est de ce qu'il en est. Et puis le lendemain, il y a une voix qui lui dit « Prends la plume, prends le matériel de copie, si tu le trouveras dans une armoire. » Il le trouve effectivement et il se met à écrire. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il se met à écrire ? Il se met à écrire le texte qu'on va lire maintenant. Donc ce prologue qui est une mini-aventure d'exorcisme, et il exorcise en utilisant littéralement le texte de l'Histoire du Graal. L'Histoire du Graal est un livre tellement sain apparemment qu'on peut faire fuir les démons avec. Donc on nous vend quand même assez bien ce roman avant de nous le mettre en scène. Donc l'histoire commence avec l'histoire de Joseph d'Arimathie, donc ça c'est celle qu'on avait dans le Joseph en prose, ça va être à peu près la même, je vais essayer d'aller assez vite. Joseph recueille le sang du Christ dans son écuelle qu'il avait utilisé lors de la dernière scène, ce qui connecte à la fois la passion sur la croix et la sainte scène qui fondait l'Eucharistie, donc il met vraiment les deux en regard. Il est mis en prison avant que le mouchoir de Véronique, encore une fois, ne soigne Vespasien qui était atteint de la lèpre, puis Vespasien devient une espèce de chrétien secret, même si ça ne lui porte pas vraiment chance, et il vient le tirer de là, comme dans le roman de l'Histoire du Graal, et le James Franco. Notez que Vespasien est le fils de Titus dans cette version-là. La compréhension par les auteurs médiévaux de l'histoire romaine est assez, assez floue, on va le voir après aussi dans la suite. C'est une version un peu alternative, on va voir qu'il y a ici aussi, il y a 2-3 épisodes qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais qui sont juste des bouts d'histoire romaine, une aventure de Pompée notamment. Joseph a été préservé par le Graal dans sa prison, c'est-à-dire que pareil, d'habitude il sortait de Joseph puis il disait ouais, il doit être mort depuis longtemps, il a foutu la baille à quoi, 20-30 ans, on sait pas, mais Joseph est encore en vie, puis il est là, oh, j'avais pas remarqué qu'il s'était passé une vingtaine d'années, il a été apparemment vraiment préservé par la présence de Dieu, et il ne reconnaît pas sa femme ou son fils tellement ils ont vieilli. Alors lui, il a vraiment été dans cette espèce de capsule temporelle. Et il ne reconnaît pas non plus Caïphe, qui est, nous dit-on, évêque des Juifs. Parce que bah, c'est l'évêque des Juifs, logiquement. C'est le grand prêtre. C'est le grand prêtre, donc c'est l'évêque des Juifs. Et Caïphe, donc là, il y a un peu... Il n'y a pas exactement la même... Il y a une cruauté assez antisémite, comme d'habitude, mais il y a vraiment une idée aussi de rédemption dans l'histoire d'El Saint Graal, qui est dans cet antisémitisme arthurien. Généralement, on est très virulent et tout, mais là, il y a aussi une idée de pénitence possible pour notamment le personnage de Caïphe, qui je crois est une espèce de porte de sortie qui lui est offerte. Mais en tout cas, sur demande de Dieu, Joseph part sur les chemins avec sa petite communauté, n'emportant que le Graal. Il reçoit aussi d'ailleurs, Joseph, le signe du chrétien de la main de Saint Philippe, qui était alors évêque de Jérusalem. Donc c'est intéressant cette référence à Philippe qui est là un peu de sortie de nulle part finalement. Traditionnellement c'est plutôt Jacques, non, qui est chef de la communauté chrétienne à Jérusalem. Alors au tout début, mais là il s'est passé un certain temps, on est déjà sous Vespasien et Titus. C'est vrai qu'on a... On est déjà sous Vespasien et Titus, c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas tout à fait au début du christianisme parce qu'il y a cette période où on est quand même dans la première génération parce que la femme de Joseph est encore en vie, puis aussi ils sont préservés par le Graal, alors peut-être ils vivent un peu plus longtemps, mais on est quand même clairement... C'est les Dunedins en fait. Ouais c'est ça, encore une fois... il faut aussi mentionner que cette mention justement n'est pas complètement sortie de nulle part. Il y a des sources à ces espèces de raccrochages. Il y a un Philippe qui est mentionné dans les Actes des Apôtres, dans la communauté de Jérusalem. C'est probablement à ça qu'on fait allusion. On est encore dans la première génération du christianisme. Et là, c'est la seule que j'ai relevé vraiment de connexion avec l'Église primitive, en fait. Il n'y a pas cette idée que Joseph d'Arimathie va être pote avec Saint Paul ou avec Saint Pierre ou avec Jacques de Jérusalem ou comme ça. Il y a des mentions périphériques, mais c'est vraiment une espèce d'accélération de l'Église pour dire, en fait, avant même que l'Église se soit vraiment développée, hop, nous, on avait pris le Graal et puis on était foncé en Grande-Bretagne, puis on avait déjà fondé le christianisme avant tout le monde. Donc, c'est assez intéressant, assez amusant aussi parfois, mais en termes d'histoire chrétienne, c'est vrai qu'on est dans une espèce de version alternative et parallèle de la fondation de l'Église. Donc, après ça commence le début de l'évangélisation, et là, en fait, on est complètement séparé du Joseph d'Arimathie en prose. C'est-à-dire qu'on va avoir certaines scènes, comme la scène de Moïse qui est consumée par le siège périlleux plus tard, mais on ne va pas les avoir dans le même ordre. Ça commence avec l'évangélisation des Sarrasins, c'est un terme qui, comme je l'ai dit, est ambigu et mal défini, elle ne désigne pas vraiment encore les musulmans, c'est-à-dire que, ben, oui, lors de la première génération d'apôtres, il n'y avait pas encore de musulmans, le narrateur a l'air de s'en rendre compte, il dit par exemple que Sarras fut la première cité où fut établie leur loi, donc la loi des Sarrasins, jusqu'à la venue de Mahomet. Donc ça sous-entend, on n'est pas encore avec la loi de Mahomet, on n'a pas encore de musulmans, mais ce sont déjà des Sarrasins de la cité de Sarras, donc c'est une espèce de mélange qui veut basiquement dire païen ou pas chrétien. Ça veut basiquement dire païen en fait, mais aussi il y a des traits qu'on leur attribue, par exemple ils ont des mosquées, des mahomeries, ce qui veut littéralement dire mosquée, donc c'est aussi une espèce de mélange rétrospectif sur lequel on projette ce qu'on pense des Sarrasins à cette époque-là, c'est inévitable, mais c'est quand même assez anachronique. Il arrive chez le roi Sarrasin Evalak le mal connu, parce qu'on dit qu'on ne connaît pas bien ses origines, et puis Joseph va les lui révéler d'ailleurs qu'il était en fait plus chrétien qu'il ne croyait à la base. Joseph défend la foi chrétienne et catéchise malgré le scepticisme du roi. Il y a des passages où il dit, c'est assez intéressant, où en fait, ce qui est drôle, c'est que l'histoire des Sarrasins n'est pas du tout intéressée par la rhétorique de la conversion. Ils sont pas du tout intéressés par le fait d'avoir un très bon argument qui va vous prouver que Dieu existe. Ça, ils s'en foutent. Il va se passer un miracle et puis vous allez être convaincus. Point. Typiquement, les sceptiques sont très bien mis en scène. Les critiques des gens que les gens feraient au christianisme, c'est exactement ce que n'importe qui dirait devant le dogme de la Trinité. Par exemple, Evalak dit « Peu s'en faut si je ne tiens pour ivre. Quand tu m'as donné une chose, ensuite tu me la dénies. En effet, tu affirmes encore au sujet de ton Dieu qu'il a un père et qu'il n'a pas été engendré par la chair. Cela ne pourrait être et ne semblerait ni juste ni normal. » Après, il parle justement de la naissance virginale et il dit « Tu ne me sembles pas d'assez haute clergie, donc la clergie c'est la science ou en tout cas l'expérience savante théologique pour pouvoir me prouver une chose si importante, c'est en effet au rebours de la nature et de la coutume. En contre est nature et en contre accoutumance. » Donc c'est contre ce qu'on attendrait de la nature et c'est contre ce qu'on attendrait de l'habitude, de l'accoutumance, de la coutume. Donc il a l'air de dire c'est quelque chose qui ne m'a pas l'air vraiment fondé rationnellement. Et il dit même, et ça je trouve assez intéressant, « Tu me donnes à entendre des choses que nul ne pourrait vérifier en aucune manière, et cela ne me paraît pas normal. Tu me fais entendant unes choses que nus ne pourrait mettre en voir en nulle manière. » On ne pourrait pas les mettre en voir, on ne pourrait pas les manifester ou les rendre visibles ou les vérifier. Donc il est en train de dire « Tu me dis des choses que tu n'es pas en train de prouver. » Joseph n'est pas du tout intéressé par le fait de réfuter ou de, par le raisonnement, la rhétorique, prouver que l'histoire de Jésus est vraie. Au contraire, il va juste laisser la puissance de Dieu s'abattre sur les mécréants. Typiquement, il a un espèce de sénéchal un peu sceptique qui dit qu'une femme peut pas être vierge si elle a enfanté. Tout le monde sait que ça la déflore d'engendrer et d'accoucher, donc c'est pas possible. Mais la nuit suivante, Evalak a une grande vision de trois arbres entremêlés en un seul, donc trois arbres qui en fait sont mélangés l'un à l'autre, donc bon, c'est une vision de la Trinité, mais il ne sait pas. Deux personnes partent du premier arbre et vont jusque dans une fosse de feu, entraînant plein d'autres à leur suite, c'est Adam et Ève qui vont en enfer et qui entraînent tout le monde avec eux par le péché originel. Quelqu'un déchiquette l'écorce de l'arbre central et le coupe en quatre branches, c'est la crucifixion, et il y a du sang qui coule de cet arbre. Et les gens viennent se laver dans le sang et ils peuvent être sauvés. Bon, c'est pas très compliqué. Ensuite, c'est pas un rêve, c'est une vision. C'est Evalak qui est littéralement en train de le voir dans sa chambre et il appelle même un de ses valets pour lui dire « Viens voir », puis le valet voit ça et s'évanouit. Donc c'est une manifestation qui a quand même une certaine réalité. Et puis ensuite, il voit un enfant qui entre dans sa chambre, mais la porte est toujours fermée, il n'a pas utilisé la porte. C'est un enfant qui fait « Ah ah, bah c'est comme ça que le fils peut entrer dans la Vierge sans qu'elle cesse d'être Vierge. » Et puis il disparaît. Donc il a ces espèces de visions qui manifestent la théologie, bon. Et en termes de sénéfiance, ça se pose là, effectivement. Voilà, et donc le lendemain, Joseph va à la cour d'Evalak, et puis il a eu une vision qui lui annonçait d'ailleurs qu'il allait réussir à convertir Evalak, mais avant ça, il va d'abord y avoir le sacre de Joséphée. Donc, ça, c'est une petite interruption. Dieu demande à Joseph de s'unir avec sa femme, ce qu'ils font par pur amour du Seigneur. On nous dit que non, ils n'ont aucune concupiscence, ils n'ont pas de désir sexuel du tout. Ils font ça purement par devoir et parce que Dieu l'a demandé, et sans aucune, sans y prendre aucun plaisir du tout. Et voilà, ils engendreront la lignée de Galaad, en fait. Le palais où ils étaient, on nous dit qu'il s'appelait en fait le palais spirituel, parce que c'est là où Daniel passait en revenant du palais de Nabucodonosor. Donc il y a cette espèce d'ancrage biblique où Daniel est passé par là, et il faudra d'ailleurs lustrer le palais parce qu'il est encore impur. Donc sur l'instigation de la voix divine, Joséphée ouvre l'arche du Graal, donc je vous ai dit, ils mettent l'arche, le Graal dans une espèce d'arche, et ils voient dedans une figure entièrement rouge avec une robe rouge, autour duquel se trouvent 5 anges, chacun avec 6 ailes et portant un des instruments de la passion du Christ. Donc il y a la croix, il y en a un qui tient 3 clous, il y en a un qui tient une lance, il y en a un qui trouve une couverture ensanglantée, bon c'est pas un instrument de la passion, mais ouais c'est une relique de la passion du Christ, une couverture ensanglantée, il y en a un qui tient une baguette qui est une espèce de fouet. Du sang et de l'eau coulent de la plaie du Christ dans le plat, donc de sa plaie, il voit l'eau couler, et il a peur qu'elle se renverse. Genre, il voit que le Graal est en train d'être plein, et il a peur que ça se renverse, et il dit « Ah, il faut que je préserve ce sang !» Et il fonce dessus pour essayer de le rattraper, pour pas qu'il se renverse, et il y a 2 anges qui l'attrapent avec une force surnaturelle. Alors, apparemment, Joséphée ne voit que ça, mais les gens autour ne le voient pas forcément. Joseph, son père, le voit quand même, en fait. Il dit, Joseph tourna les yeux, il fut fort intrigué par le fait que Joséphée était allé sur le seuil de l'arche sans rien faire, ni sans rien dire, et par les choses qu'il pouvait avoir entendues, vues et observées. Alors il se leva de l'endroit où il était en prière, se dirigea vers son fils. Le voyant venir, Joséphée tendit le bras devant lui et se mit à crier, « Ah, Joseph, mon père, ne me touche pas, tu me priverais de la grande joie et de la grande gloire où je suis dans la lumière des signes spirituels, je ne suis plus sur terre. » Donc il est dans une vision qui voit ça. Joseph voit aussi ce qui se passe dans l'arche. Il arrive à guigner sur le côté, puis à voir ce qui se passe à l'intérieur. Le lieu est purifié par l'illustration des anges, donc il voit que des anges sortent de l'arche et se mettent à balancer de l'eau bénite partout dans le palais pour le purifier. Puis Joséphée reçoit l'onction de Jésus lui-même, ainsi que la crosse et l'anneau, et aussi une tunique, puis il lui explique la signification de chaque chose. L'anneau signifie le mariage, parce qu'un prêtre doit être chaste, parce qu'il est marié à l'église, etc. La crosse signifie le bâton qui guide le peuple, cette tunique est verte, comme l'espérance. Il fait une petite explication des différentes choses qu'il lui donne, et il lui donne de l'huile qui servira à sacrer les rois bretons. Alors c'est pas complètement clair comment elle a été complètement préservée, vu les changements de pouvoir qu'on va voir plus tard, mais c'est pas grave. Le siège sur lequel il a été sacré aussi, était un siège magnifique qui est apparu apparemment dans cette vision-là, et on nous explique une espèce d'ironie que plus tard, quelqu'un saisirait le palais, un espèce de chef de guerre s'en emparait et il voudrait s'asseoir dessus, mais il n'arriverait pas à le bouger, et il serait frappé de malédiction pour ça. Joseph célèbre l'Eucharistie, et là il y a un passage qui fait très body horror, ou même hardcore en fait, donc des scènes assez gore de cannibalisme en fait, qui mettent en scène le miracle de l'Eucharistie, où le pain semble se changer en corps d'enfant, dont le vin tombe dans les coupes depuis le corps de cet enfant. Donc il y a cet enfant qui est en train de saigner dans les coupes, et puis ça donne le sang qui est en fait le vin de l'Eucharistie. Puis donc c'est assez émouvant, puis Joséphée est en train de pleurer et tout, et notre Seigneur lui dit « Il te faut démembrer ce que tu tiens dans ta main, de sorte qu'il y ait 3 morceaux. « Ah Seigneur, lui répondit Joséphée, ayez pitié de votre serviteur, mon cœur ne pourrait pas supporter de mettre en pièce une si belle forme. » Donc il a un bébé dans les mains là. « Si tu ne fais pas ce que je t'ai commandé, tu n'auras point de part à mon héritage. » Alors Joséphée prit l'enfant. Il mit d'un côté la tête, il la détacha du buste aussi facilement que si la chair de l'enfant lui était toute cuite, de la manière dont on cuit une viande pour le repas. Après, il fit 2 parts du reste avec une terrible crainte qu'il faisait pleurer à chaudes larmes. Donc, Joséphée est en train de... C'est l'Eucharistie, mais du coup, ça se manifeste sous la forme de ce bébé Jésus. Et du coup, il est en train de dépioter ce bébé en pleurant. C'est horrible. Et ensuite... Il s'est chaud de larmes, il n'arrêtait pas de gémir, de se désoler et de sangloter. Et quand il eut rendu grâce à son créateur, il ouvrit la bouche et il voulut y mettre le fragment. Mais en y jetant les yeux, il s'aperçut que c'était un corps entier. Donc l'Eucharistie, donc le bout de pain, s'est changé en petit bonhomme anthropomorphe, en homme. Et il le met dans sa bouche. Et quand il veut l'enlever de sa bouche, il n'arrive pas, et il le sent à l'intérieur de sa bouche avant de pouvoir la refermer. Donc c'est vraiment horrible comme scène, je trouve. C'est censé être un miracle qui manifeste la réalité de la transsubstantation dans l'Eucharistie, mais bon, c'est un peu... Et à peine eut-il communié qu'il lui sembla que toutes les douceurs, tous les délices connus avaient pénétré dans son corps, après quoi il reçut une partie du saint breuvage qui était dans le calice. Donc là, on revient un peu au normal, mais cette vision assez horrible. Lucan, qui est le cousin de Joséphée, devient gardien de l'arche nuit et jour. Donc on a vraiment cette idée, c'est l'arche, c'est la nouvelle arche d'alliance en fait, c'est le nouveau pacte avec l'humanité, ce qui en fait cadre avec l'idée chrétienne, mais on reprend vraiment tout ce qui était un peu le dispositif autour de l'arche d'alliance. Après ça, on retourne devant Evalak. Donc là, ça a quand même pris un bon moment, cette scène du sac, à tous les discours de Jésus, etc. Mais on retourne devant Evalak. Et Joseph prive de parole le clerc qu'il avait argumenté contre la Trinité. Donc il va même pas lui expliquer pourquoi ses arguments sont faux. Il va lui dire, bah toi tu dis des conneries. Et puis la preuve c'est que Jésus va bien te fermer la gueule. Et puis il arrive plus à parler. Il arrive plus à parler. Il dit, muet aveugle que tu as été dans la science spirituelle, la science matérielle ne vaut rien face à la spirituelle. Je vais donc t'enlever aux yeux de tous ici. La parole et la vue. Mon esprit est en effet si puissant qu'il rendra muet les beaux parleurs. Donc vraiment il le rend aveugle et muet. Pour avoir discuté le dogme de la Trinité. Et ensuite, ils vont l'emmener, ils vont faire un petit tour d'un peu des temples païens, des temples de Mars et d'Apollin, et puis on nous dit qu'en fait, il y a des démons qui possèdent les statues de ces dieux, mais justement, Joseph arrive à les vaincre et à faire que les démons s'entre-détruisent ou détruisent les statues, ce qui démontre sa supériorité. Et il y a différentes scènes où justement, Evalak commence à se dire « Ah, ces chrétiens ont peut-être quelque chose pour eux », parce qu'en fait, ce que Joseph lui a dit, pour vendre un peu le christianisme, c'est « Si tu te convertis, tu pourras vaincre ton ennemi Ptolémée d'Égypte ». Donc ils sont menacés par justement les troupes d'un souverain égyptien qui va les attaquer. Et donc, bah, il commence à se dire peut-être qu'il y a quelque chose à tout ça. Il a l'air de faire des miracles. Donc, il y a deux, trois scènes, justement, quand il avait privé de la parole son serviteur. Et tout le monde voulait se jeter sur les chrétiens. Mais Evalak s'était jeté l'épée en avant et avait dit, ah, par Jupiter, littéralement par Jupiter, si vous portez un cheveu sur eux, je vais vous en remontrer. Et donc, progressivement, il se laisse convaincre que le christianisme, c'est peut-être quelque chose de bien. Il y a ensuite justement une bataille contre Ptolémée d'Égypte, durant laquelle il y a un chevalier blanc mystérieux à la croix rouge qui aide Evalak contre Ptolémée. Je suis pas exactement sûr de qui était ce chevalier, je crois que l'idée c'est que c'est une espèce d'apparition envoyée par Dieu pour l'aider, de ce que j'ai compris. Mais un autre qui s'épouse, qui joue un rôle là-dedans, c'est Séraphée, le beau-frère du roi, qui est donc le frère de sa femme Sarasinthe, qui s'appelle Sarasinthe pour une Sarrasine, c'est quand même pratique, qui, elle, était en fait secrètement chrétienne depuis, je crois, une vingtaine d'années. Donc c'est ce motif un peu comme la mère de Constantin, de la femme bien chrétienne, mais qui pouvait pas faire grand-chose parce que c'était un peu pas son rôle. Donc Séraphée s'illustre dans la bataille, donc c'est une bataille assez gore, on nous parle de différentes scènes assez meurtrières, donc c'est possible qu'un sous-entendu c'est que le monde soit pas encore vraiment chevaleresque, c'est-à-dire qu'on voit plusieurs fois des gens qui se jettent à 5, 6, 7, 10 sur une seule personne, ce qui généralement est pas vu comme quelque chose de bien, mais là on le relève pas vraiment, donc c'est possible qu'on soit dans l'idée que la chevalerie a pas encore complètement sa place ici. Ça souligne un peu la barbarie des opposants aussi. Mais bien sûr, Mordrin va réussir à gagner au terme de ces plusieurs batailles. Et il va, en fait Mordrin s'appelle pas encore Mordrin, Evalak va se convertir et être baptisé avec tout son peuple sous le nom de Mordrin, Séraphée va prendre le nom de Nacien, à partir de là ils vont être chrétiens, même s'il y a encore un épisode qui souligne que Mordrin n'était pas encore complètement chrétien en fait, c'est-à-dire qu'il couchait avec, je vais vous lire un petit extrait, il couchait avec une espèce de statue enchantée, qui en fait était, en fait c'est une sex doll, c'est-à-dire c'est une statue en bois mais qui était extrêmement belle et avec laquelle il couchait. C'est assez étrange comme passage. On nous dit justement en fait qu'il n'avait pas vraiment, il était pas vraiment public avec ça, c'était quelque chose d'une espèce de, c'est secret, mais Joseph a reçu le Saint-Esprit duquel nulle chose n'est cachée qui ne soit su, nulle chose n'est dissimulée qui ne soit révélée. C'est pour ça qu'il vous demande par moi d'aller retirer la figure d'un pie que vous avez toujours gardée, si vous ne l'enlevez pas pour la brûler devant tout le monde. Le Saint-Esprit m'a ordonné de dire à l'univers entier de quelle manière vous l'employez. Donc il est littéralement en train de dire, écoute, tes pratiques sexuelles bizarres où tu couches avec cette statue en bois, on va rendre ça public si t'es pas au clair. Et donc le texte nous dit, cette figure était de bois, la plus belle qu'on eût jamais vue en guise de femme. Le roi couchait avec elle et l'habillait le plus richement qu'il pouvait. Il lui avait fait faire une chambre dont personne au monde, pensait-il, n'aurait pu trouver la porte. Alors le roi retint Nacien à la reine et fit allumer un très grand feu dans la salle, car il désirait anéantir l'impiété dont il avait fait preuve chaque jour. Le feu allumé, il ordonna que personne ne restât au palais, hormis Nacien, la reine et Joséphée. On s'exécuta. Il les mena à cette porte qui fermait très subtilement. À sa fermeture tombait un mécanisme qui empêche qu'on le voie si on n'a pas la petite clé qu'il faut. Il entre, il prend la statue et il la met au feu. Et quand elle fut brûlée, le roi avait vraiment dit que vraiment Jésus-Christ était d'un grand pouvoir pour lui avoir envoyé ce courage. Il ne croyait pouvoir jamais s'y soustraire. Donc il y a l'idée qu'il est enchanté par cette espèce de statue. Il a littéralement une espèce de poupée gonflable, mais donc en bois, avec laquelle il couche. Mais je crois que c'est assez... impliquer qu'il y a quelque chose de démoniaque là-dessous, qui l'empêche d'avoir une sexualité normale. Mais maintenant, heureusement, voilà, il a été sanctifié par cet événement. Mais donc ça se passe après la grande bataille, après sa conversion et après son baptême. Donc il y a l'idée qu'il avait encore ce péché qu'il retenait, et aussi son passé. On nous dit qu'en fait, Evalak avait été, je crois, saisi sous l'empereur Auguste en Gaule. Oui, Alix, voilà. Il est saisi en Gaule, se retrouve en Orient, c'est tout à fait logique. Et Nacien, bien sûr, Enak. Voilà, tout à fait. Voilà. Alix, l'histoire de Alix se trouve en fait là. Mais il y a cette idée où plusieurs fois. Source originelle de la légende d'Alix. C'est-à-dire que la compagnie chrétienne, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais un peu vous dire comment ça se décline, mais souvent ils arrivent là. Ils voient le souverain, soit ils savent ses péchés. Donc là, en l'occurrence, il y avait cette espèce de fétiche sexuel de statue en bois richement paré. Parfois, c'est le fait que le roi a commis un crime, qu'il pensait qu'il était dissimulé, mais non, Dieu l'a révélé à notre héros. Ou alors ils révèlent aussi leur enfance. Genre, ils savent qu'à l'origine, tu étais un Gaulois. Donc il y a peut-être aussi quelque chose, vu que c'est des Français qui écrivent ça, il y a peut-être aussi un petit côté nationaliste, parce qu'il y a beaucoup de personnages gaulois assez retors dans cette histoire, notamment la femme qui arnaque Hippocrate, qu'on verra plus tard. Donc, c'est donc là plus ou moins la fin de la toute première partie. Nacien essaye de regarder sous le voile du Graal, alors qu'il n'a pas le droit, donc il soulève le voile et il est frappé, un peu comme Lancelot l'avait été hein, dans la quête du Saint Graal. Il est frappé, il devient aveugle temporairement, mais heureusement sa rédemption fait qu'il se repentit et puis du coup il peut retrouver la vue. Et un ange frappe aussi la cuisse de Joséphée avec sa lance, car il a été distrait en baptisant quelqu'un, genre il regardait d'un autre côté ou je sais pas quoi, puis un ange qui lui fait oh ouais oh, puis il lui plante une lance, et puis en fait on nous dit que la lance se mettra ensuite à saigner lors des différentes aventures de la Bretagne. Donc en fait la lance qui saigne, c'était pas la Sainte Lance, puisque la Sainte Lance elle est dans le Graal, elle a été entièrement engloutie par le Graal, elle fait partie des reliques qui sont dans l'arche du Graal, donc cette lance en fait a apparemment un autre destin. D'ailleurs, puis si vous êtes intéressé par les frappes la dolorous stroke, la frappe douloureuse ou la frappe qui aurait détruit la terre et dont on nous parle plusieurs fois à propos de cette lance, il y en a à peu près 15 dans l'histoire d'El Saint Graal, et surtout on va les voir tout à la fin. Et c'est assez drôle parce que chaque fois vous dites ah c'est la frappe douloureuse, non, parce qu'il y en a encore une autre après, puis ah c'est celle, non c'est... Attends, il y a trois variantes sur le roi pêcheur aussi, donc c'est pas... Oui, c'est pas extrêmement surprenant, mais disons là vous en avez une par exemple, le fait que Joséphée a eu un coup dans la cuisse. Après plus tard il enlèvera je crois cette lance, et puis plus tard aussi il enlève une lance où il saigne pas, donc ça montre aussi sa vertu. C'est la fin de la première section que le narrateur avait vue dans le livre, c'est ici l'histoire du Saint Graal, et ici commencent les grandes peurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Disons, on est arrivé à un stade un peu stable, voilà, on est chrétien, tout le monde est chrétien, on a chassé un peu les mécréants, donc il y a une espèce d'énorme trompette, probablement sonnée par un ange, un énorme fracas, le château tremble, vraiment cette espèce de tremblement énorme, Nacien et Mordrin s'évanouissent, ils étaient sur un lit côte à côte, ils s'évanouissent, et puis il y a Dieu qui prend Mordrin, qui l'enlève et qui le pose sur une île à, dit-on, 17 jours de voyage de là où ils étaient. Il le pose sur une île qui est l'île Tournoyante, on va en reparler dans un instant. Les gens qui sont laissés sur place, forcément, ne savent pas ce qui est arrivé au roi. Et du coup, on commence à soupçonner Nacien, parce qu'on dit bah, il était avec lui quand il a disparu, donc il doit être responsable. Et Calafer, qui est un baron félon et retors, qui décide d'emprisonner Nacien et son fils Célidoine. Ils seront sauvés par l'intervention d'un ange, notamment, c'est-à-dire qu'ils arrivent à s'échapper, Calafer est pourchassé par un ange, il y a l'ange qui lui écrase une main et un pied sur le visage, et il y a la main qui lui laisse une marque rouge comme du fer rouge, et le pied qui lui fait le visage noir, et puis après qui va commencer à se décomposer, et donc il commence à mourir à cause de l'intervention de cet ange, mais il se dit, avant de mourir, je vais quand même avoir ma revanche contre Nacien qui a réussi à m'échapper, et je vais tuer son fils Célidoine, donc il dit, jetez-le du haut de cette tour, et puis bien sûr, comme c'est un baron retors, personne ne veut vraiment le faire, mais finalement ils sont obligés, et quand il le lance du haut de la tour, Célidoine est attrapé par 9 mains blanches, qui ralentissent sa chute, donc il y en a une qui lui prend au bras, aux jambes, sous le menton, il y a des mains dont on voit pas les corps mais qui sortent de nulle part et qui l'attrapent, et puis il est emporté, et puis alors Calafer se dit bah j'ai même pas réussi à tuer Célidoine, et puis il meurt. Vient ensuite les différentes aventures. Je vous ai dit, vous avez peut-être aimé l'histoire dans la quête d'El Saint Graal où Perceval est mis à l'épreuve sur une île déserte, et puis que progressivement il y a des bateaux qui viennent, puis un bateau avec un ermite qui lui dit c'est bien de croire en Dieu, puis après il y a quelqu'un qui dit bonjour je suis Satan, voudrais-tu plutôt croire en moi, puis là genre non, et puis c'est plus ou moins subtil, vous avez cette dame qui dit pas je suis Satan mais qui dit j'étais auprès d'un très grand seigneur et puis je voulais être seigneur comme il l'était, et puis je faisais partie de sa maisonnée mais j'ai été trop orgueilleuse alors il m'a jeté avec toute ma compagnie, puis on se dit ah c'est Satan en fait. Bah là vous avez à peu près la même chose mais 15 fois. Et vous avez 15 bateaux qui transportent tout le monde les uns avec les autres pour les amener où ils doivent être dans l'histoire. Michel Skilnik, dans son livre sur l'archipel du Graal, disait justement que le bateau était une représentation du roman ou du romancier. Et moi, j'ai toujours trouvé, c'est un petit peu intertextuel, postmoderne comme lecture, j'y crois pas trop. Mais quand vous lisez, c'est assez clair qu'en fait, les bateaux, justement, ils servent à ça. Vous avez une nef qui dit, bon, ok, on a la scène suivante à faire, alors on va aller prendre les personnages qui sont là, ils montent dans la nef magique et puis ça les amène là. Mais du coup, l'effet, c'est que c'est plus des bateaux magiques merveilleux, c'est un petit côté bol d'or merveilleux, en fait. Vous avez toute une escouade de bateaux qui n'arrêtent pas de se croiser et de bateaux qui s'amènent les uns aux autres. Donc, Mordrin est prisonnier sur une île qui est donc l'île Tournoyante, qui en fait est une île. On a toute une dissertation qui se passe en fait sur les différents éléments qui constituent cette île et qui font qu'elle tourne sur elle-même en fait. Donc il y a un aimant dans les profondeurs, on nous raconte la création du monde, le feu, l'eau, la terre, et puis il y a un côté un peu pédant où on essaie de nous expliquer comment ça marche et pourquoi elle est dans cet état. Différents navires viennent le tenter, je vous passe un peu sur les détails, différentes aventures qui servent là. Il y a une interruption pour l'histoire de Pompée et du pirate Forcaire, donc on nous dit que je pense que c'est le détroit de Gibraltar, parce que c'est entre la mer de Babylone et la mer d'Irlande, donc je suppose que c'est entre la Méditerranée et l'Atlantique, bref. Il y avait un pirate qui était là, et Pompée l'a battu, et on nous dit personne n'a jamais parlé de cette histoire, parce que juste après ça, Pompée a été saccager le temple de Jérusalem, et du coup il avait honte, et ben voilà, c'est pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler. Bon, ensuite de ça, on a l'histoire de la nef de Salomon, parce qu'elle intervient, c'est-à-dire que c'est un des bateaux sur lesquels les gens se retrouvent. Nacien se retrouve là-dessus à un moment, il trouve l'épée, il sort un peu l'épée, il voit les inscriptions dessus. On a l'histoire de l'arbre de paradis, donc tous ces passages qu'on avait déjà eu dans la quest d'El Saint Graal, qui sont là pratiquement à l'identique, quelques petites variantes, mais c'est les histoires qu'on a déjà vues dans la quest d'El Saint Graal, qui mettent en place la suite. Vous avez l'histoire de Célidoine qui va justement convertir le roi de Perse, parce que justement le roi Labelle, il le trouve sur un bateau en fait, puis justement je crois qu'il est sur un bateau, puis un autre bateau qu'il trouve, et puis ils lui disent tu veux monter sur notre bateau, puis il dit non c'est bon, je dois rester sur ce bateau magique, puis ils sont là mais t'es sûr, t'es tout seul et tu peux pas manœuvrer, enfin bref il le laisse, mais il convertit le roi Labelle. Comment? Bah il lui dit je sais qu'en fait tu voulais coucher avec ta propre sœur et que quand elle a refusé tu lui as tranché la tête et t'as jeté son corps dans la mer, et donc Labelle se rend à l'évidence, et puis il dit je sais aussi que tu vas vivre que 3 jours, et puis devant tout ça il se convertit, un peu la même chose. Finalement, ils sont tous réunis. Il y a des scènes assez drôles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent tuer Célidoine. Alors ils le mettent sur un bateau avec un lion, puis ils l'envoient sur la mer. Ils disent ah, le lion va finir par le manger quand il aura trop faim. Mais en fait, bien sûr, Célidoine est protégé par le pouvoir de Dieu, donc voilà, il se fait pas manger par le lion. Et plus tard, le lion l'amène à la nef de Salomon, il monte dedans, il y a le bateau avec le lion qui se barre, et donc on voit le lion partir sur le bateau. Et puis, c'est super drôle, plus tard, il y a des messagers qui ont été envoyés chercher Nacien, et puis ils voient un bateau qui arrive de l'ouest, puis on dit juste que c'est un bateau avec un lion dedans. Et puis dans le bateau avec le lion, il y a un personnage qui est basiquement Dieu en fait, qui est une représentation de Dieu, et qui leur dit bon bah montez dans le bateau et puis moi je vais descendre du bateau parce qu'il n'y a pas de place pour moi, puis je vais rester sur cette île. Puis, mais vous êtes sûr? Parce que nous on va pas forcément revenir vous chercher ici. Donc puis non mais c'est bon. Puis ce qui est drôle, c'est que personne envisage de demander à ce que le lion descende du bateau, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin qu'il fasse partie de l'aventure en fait. Il est juste là pour symboliser qu'ils se font pas manger par le lion, mais il prend un peu de la place. Donc cette île d'ailleurs où ils étaient, c'est une île où en fait il y avait une demeure d'Hippocrate, le médecin. Et on nous raconte une histoire où Hippocrate était devenu une star à Rome parce qu'il avait soigné un gosse, et puis du coup l'empereur était là, waouh, il peut ressusciter des gens. Et puis il y a une jeune dame gauloise apparemment qui disait c'est des conneries, et je vais vous prouver que c'est faux. Et parce que l'empereur lui avait fait construire une grande statue à Hippocrate. Et donc elle met en scène que c'est faux, qu'il peut pas ressusciter des gens. Puis aussi elle lui dit oh venez coucher avec moi, parce que heureusement Hippocrate est tombé amoureux d'elle. Donc c'est un truc un peu misogyne sur la fourberie des femmes. Et donc elle le fait descendre sur un panier. Elle lui dit vous pouvez descendre sur du haut de cette tour avec ce panier, puis comme ça vous pourrez venir dans ma chambre, et puis on pourra coucher ensemble. Et en fait ce panier c'est celui dans lequel on expose les criminels. Et du coup, elle le laisse suspendu au milieu de la tour et il peut rien faire. Et puis tout le monde se dit tiens, mais c'est Hippocrate, pourquoi? Et puis ça le déshonore. Et puis finalement, on lui enlèvera sa statue. Petit épisode qui a rien à voir. C'est comme l'histoire du bandit Forcaire avec Pompée. C'est un petit laïus qui est raconté ici uniquement parce que les messagers justement passaient dans la maison dévastée d'Hippocrate et ils voyaient sa tombe. Ils disaient Hippocrate trahi par une femme, ah, les femmes. Et puis aussi après Hippocrate se fait empoisonner par sa femme. Bref, c'est rigolo parce que ce genre de truc est assez fréquent même en dehors. Alors là, il s'est attribué au texte et je me demande si c'est pas une interpolation d'autre chose, en fait. Oui, parce que c'est beaucoup de manuscrits... On dirait un fabliau, en fait. Hein. Le manuscrit de la Fondation Bodmer, qui contient notamment... qui contient pas le Lancelot, mais qui contient autrement l'histoire du Graal, le Merlin, la suite, la caste et la mort Arthur, comprend de nombreuses interpolations bibliques, notamment, qui sont attribuées à Joseph d'Arimathie, ou Merlin, qui raconte l'histoire de Judith, par exemple, ou qui raconte l'histoire des Maccabées, par exemple. Donc, c'est ce genre d'interpolation qui peut, à mon avis, avoir été facilement inséré, qui est très facile par la prose, en fait. C'est relativement facile d'insérer un texte comme ça, qui n'a pas grand-chose à voir, simplement pour allonger, ou parce que vous voulez mettre simplement un truc qui vous plaît bien, une histoire qui vous plaît bien, et vous dites « Tiens, je vais l'insérer ça ». Et si je ne me trompe pas, ça occupe une part assez importante du récit, finalement, d'un coup. Mais pour une chose qui n'a pas grand-chose à voir, finalement. Ça prend quand même beaucoup de place, mais là, on arrive justement un peu à la fin du livre. C'est-à-dire que là, on a la section des grandes peurs qui n'apporte pas grand-chose, parce que finalement, tout le monde se retrouve, après avoir été séparé littéralement par Dieu, pour ces petits épisodes de test. Tout le monde se retrouve, on retourne à Saras, et là, on va repartir immédiatement après. Notamment, Nacien va être un peu l'avant-garde du départ en Angleterre. Mais donc... on a un combat de Nacien. Enfin, je vous passe un peu les détails, mais Nacien va partir de sa race parce qu'il y a une voix qui lui dit de le faire. Il y a un de ses chevaliers qui lui court après et qui lui dit « Tu vas rentrer avec moi parce que tout le monde s'inquiète pour savoir ce que t'es devenu. » Il se bat, il le tue après un combat contre un géant. Bref, il le fait enterrer. Puis justement, il y a un autre roi qui arrive et qui dit « Ouais, mais c'est assez bizarre qu'il ait tué ce géant, on va l'enterrer. » Mais il y a Dieu qui sait que ce roi-là, en l'occurrence, est méchant aussi, donc il le foudroie immédiatement. Puis après, les trois sont enterrés là, et les gens qui courent après Nacien pourront trouver leurs trois tombes avec une petite explication de leur péché. Donc tout le monde a été réuni à Saras, Nacien part... je devais juste mentionner sur la nef de Salomon, à un moment, ils avaient été attaqués par un géant, il avait pris l'épée... l'épée de Salomon, justement, il l'avait cassée parce qu'il n'avait pas le droit de la prendre, mais heureusement elle a pu être ressoudée par Mordrin quand il a rapproché les deux bouts. Il va monter dans un bateau et il va être avec une espèce d'ermite. Il y a des scènes assez drôles d'ailleurs où l'ermite lui révèle sa descendance et donc il donne sa lignée, la lignée de Nacien, qui va aboutir en fait à travers Célidoine à Lancelot, si je ne dis pas d'Annery. Oui, de toute façon, il est descendant d'à peu près tout le monde dans la caste, Lancelot. C'est un peu le... Il a été génétiquement designé pour être... pour cadrer, pour contenir le plus d'ADN divin possible. Non, c'est l'ultime. Je reviendrai sur les lignées juste à la fin. Mais basiquement, il lui annonce ça, puis Nacien épousse-lui la voix, ma descendance. Et puis, il continue de lui poser des questions, puis il dit, mais tu devrais quand même te satisfaire de ce que je t'ai dit, parce que Dieu te révèle le futur, et tu devrais déjà t'en contenter, plutôt que de continuer à essayer de deviner ses plans. Puis il y a une scène assez drôle, où justement, ils sont en train de dormir sur le bateau, puis il y a Nacien qui lui fait, est-ce que vous dormez? Puis il y a littéralement une scène de tu dors, il le réveille pour continuer à lui poser des questions et il lui demande est-ce que je rentrerai un jour chez moi en bateau, puis il lui dit non, ton destin est maintenant, can I please go home on a ship, no. Et après donc il va au comptoir pour avoir une... Alors on va laisser Nacien ici, pendant ce temps la communauté du désert était toujours là, ils avaient traversé l'Euphrate. Dieu dit à Joseph d'Arimathie, ok, exceptionnellement il faut que tu aies un deuxième enfant parce qu'il faut qu'on engendre la lignée de Galad, et c'est ce qu'il va faire. En priant devant le vase, donc devant le Graal, il reçoit l'ordre de partir et de traverser la mer, et donc il va au bord de la mer, il envoie Joséphée avec le Graal sur la mer, il se met derrière, et tout le monde vient se mettre sur le pan de sa tunique, et donc tout le monde peut traverser la mer de cette manière miraculeuse pour aller en Grande-Bretagne, sauf qu'il y a des gens qui coulent, notamment Siméon et Canaan, qui vont nous poser problème plus tard, parce qu'ils croient pas complètement. Et alors ceux qui arrivent pas, qui ont pas été assez purs en fait, c'est littéralement ceux qui étaient pas chastes, ceux qui avaient encore... de la concupiscence sexuelle qui n'était pas abstinent, ils peuvent pas traverser. Donc il dit, vous devrez venir plus tard. Et comment est-ce qu'ils vont venir? Ça serait bien qu'on ait un personnage qui soit en ce moment coincé sur un bateau magique sur lequel il n'a pas de contrôle. La nef de Nacien arrive et va emporter les retardataires. Quand Nacien arrive avec les autres, il y a un petit moment sympa où on perd de vue ce qui arrive à la communauté du Graal, donc un petit peu de suspense. Nacien embarque tout le monde, ils arrivent à Galafort, où il y a le duc Ganor, qui est une espèce de nouveau un païen de Grande-Bretagne. Ils arrivent à le convertir, on va faire assez simple. Ganor était en fait un berger galiléen, et donc il avait déjà été en contact avec des chrétiens et tout, qui lui dit « Souviens-toi qui tu es, tu viens de Galilée, en fait, ok. » Et il est, du coup, converti. Ensuite, Mordrin après la conversion de Ganor de Galafor, il y en a une scène assez marrante où il doit convertir tout le monde, et il y en a 150 qui veulent pas, on les expulse, on les met sur un bateau et on les envoie sur la mer, et puis Joséphée dit hey, voilà ce qui va se passer, tu devrais regarder ce qui va leur arriver, ça va leur faire des bricoles. Le lendemain, le bateau s'échoue, et puis en fait ils sont tous morts dessus. Ah ben ça envoie un message. Il y a eu le signe de la croix qui était sur le bateau, c'est-à-dire c'est comme ça que Nassien et compagnie ont pu voir qu'ils étaient là, parce que quelqu'un avait fait le signe de la croix dessus. Deux, trois scènes assez intéressantes ensuite à Camelot. On nous dit que c'est la ville qui a la plus grande mosquée du pays, la plus grande mahomerie, où d'ailleurs ils vénèrent Tervagan, qui est une espèce de dieu païen inventé qu'on attribuait aux musulmans, dont plusieurs origines possibles, Apollin, qui est une version d'Apollon, Jupiter et Mahomet. Donc Mahomet est déjà vénéré en tant que dieu païen avant même qu'il y ait des musulmans possibles, c'est assez drôle. Bien sûr, vous imaginez, Joseph prie et parvient à faire détruire leurs idoles et à convertir gentiment Camelot, ce qui est difficile parce qu'il y a un souverain qui fait semblant de se convertir, puis après il commence à persécuter les chrétiens. Il fait semblant, voilà, il est hypocrite, et puis après il persécute les chrétiens, il en prend 12 et il leur éclate la tête. On nous parle de leur cervelle répandue sur une croix, et il fait brûler une croix, et puis il devient fou apparemment à cause de ce forfait contre Dieu. Mais quand Joseph revient, il fait construire une église à la gloire de Saint-Étienne, donc le proto-martyr, en l'honneur de tous ces martyrs chrétiens. Il y a une progression qui se fait ensuite vers le nord, on va convertir le reste de la Bretagne, mais aussi des trahisons. On a l'histoire de Moïse, donc qui s'assied sur le siège périlleux puis qui est dissous parce qu'il n'est pas assez pur, mais aussi Canaan, qui à un moment, il veut le traverser une rivière, et puis tout le monde marche sur l'eau, mais apparemment ceux qui n'ont pas la foi n'arrivent pas. Et donc Canaan est là, c'est triste de me laisser derrière, puis ses frères ne veulent pas le laisser derrière, puis Joséphée à la base dit, bon, si on ne le laisse pas derrière, ça va nous attirer des bricoles, mais puisque vous voulez, on va le prendre avec nous, c'est pas grave. Il y a des gens qui arrivent à le balader à l'autre bout de la berge avec un bateau. Et il va tuer en fait ses 12 frères par envie, parce que lui et Siméon sont envieux, et ils peuvent pas assister au repas du Graal, et ils pensent que c'est à cause des péchés des autres. Et donc ils disent, je vais me venger. Siméon essaie de tuer Pierre, genre il lui tend une embuscade pour essayer de tuer. Peut-être préciser, Pierre, c'est un... Comme Siméon, comme Canaan, comme Moïse, il fait partie de cette communauté, en fait, c'est un des disciples de Joseph. C'est un des disciples de Joseph. Bon, il recycle beaucoup de noms... biblique en fait finalement pour lui. C'est plutôt cohérent, mais donc plutôt cohérent, je sais pas, mais il a effectivement ce personnage qui est un bon disciple par opposition au mauvais disciple, puis donc ils sont envieux et ils veulent le tuer. Donc il est frappé, Canaan tue ses 12 frères, et donc Canaan est enterré vivant. Alors il y a toute une scène où Joseph veut pas le condamner à mort, puis là non, mais je dis pas ce qu'il faut, je pense qu'il a mérité la mort, mais je vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous laisse choisir. Et donc c'est un passage très où on veut pas le montrer en train d'appliquer la peine de mort, mais où d'un autre côté il est en train de faire des espèces de gros clins d'œil, genre je regarde pas, je détourne les yeux pendant que vous faites ça. Et puis au moment où ils vont enterrer Siméon, il y a deux anges enflammés qui viennent et qui le chopent et qui l'emmènent dans une forêt. Et bien Siméon, on avait déjà vu sa tombe enflammée à cause de son péché. Lancelot n'avait pas réussi à le libérer, c'est Galahad qui devra le libérer, donc on sait qu'il va pas mourir mais qu'il va être tourmenté comme ça. Pourquoi d'ailleurs? En fait, c'est parce que Pierre, on a l'impression qu'il est mal en point. Quand vous lisez, vous avez l'impression qu'il est mort, mais en fait, non. Il est juste très empoisonné, ils n'ont pas de remède, mais il va survivre. Comment? Si vous connaissez l'histoire de Tristan et Iseult, vous avez peut-être déjà entendu ça. Il se met dans une barque, il dit « Pousse-moi sur l'océan, et probablement que Dieu m'amènera à un endroit où je pourrais être soigné. » Il débarque en Orcanie, chez le roi Orcan. Orcan. Logiquement, et il est soigné par la fille de celui-ci. Orcan en fait un duel, alors ça c'est compliqué, je résume beaucoup, il a un duel contre le roi d'Irlande, et puis du coup il cherche quelqu'un pour se battre à sa place contre le roi d'Irlande, et puis du coup il se bat incognito contre ses chevaliers pour découvrir lequel est le meilleur, comme ça il pourra savoir lequel est le meilleur, et puis finalement il se bat contre Pierre, et Pierre est tellement bon qu'il lui demande de se battre pour lui contre le roi d'Irlande, enfin bref. Grâce à ça, Pierre gagne sa confiance et peut se marier à sa fille. Je vais gentiment conclure l'histoire avec la fin de ce qui se passe. Il y a encore un épisode avec Joseph d'Arimathie qui arrive en Brocéliande, où il y a un sarrasin qui lui plante un truc dans la cuisse, mais après le sarrasin se fait étrangler par un lion, et quand il enlève le couteau de sa cuisse, il saigne pas. Donc manifestation de la foi chrétienne à Brocéliande, ce qui est assez intéressant je trouve comme situation, avec des méchants sarrasins, et où il voit justement un musulman qui dit moi je crois en Tervagan, Mahomet, Apollin et Mars, puis il dit mais ces dieux ne peuvent rien faire. Mais comme Joseph peut soigner les gens, il va aider son peuple et puis bien sûr les convertir. D'autres scènes assez intéressantes avec la fin de l'histoire qui en fait met vraiment en place l'enchaînement sur le reste. Donc là, on va fonder les différentes lignées de personnages. Je vous dis que Pierre allait en Orcanie et qu'il avait marié la fille du roi là-bas. Et en fait, il va fonder une lignée avec le fils du roi Orcan. Il aura un héritier qui mariera la fille du roi Irlande, qui aura un fils nommé Melian, qui aura un fils nommé Argistre, qui aura une fille mais aussi un fils nommé Hector, qui se mariera avec la fille du roi de Norgal, qui engendreront Lot d'Orcanie. Donc, 5 générations, si je compte bien, 5 générations après Pierre, on a Lot d'Orcanie, qui engendrera bien sûr Gauvain et ses frères, ainsi que Mordred. Et là, le narrateur nous dit, ah non, Mordred, on croyait, tout le monde croyait que Mordred était de Lot d'Orcanie, mais en fait non, il était un fils du roi Arthur. Donc on a déjà ce soulignement de la lignée et de l'importance de la lignée. Une autre lignée qui est intéressante, c'est celle de Corbenic, en fait, c'est-à-dire qu'on a de nouveau le personnage de Bron, qui est donc le beau-frère de Joseph d'Arimathie, et il a de nouveau ses 12 large sons, donc ses 12 grands enfants, dont le dernier est chaste, c'est Alain le Gros, et c'est à lui qu'on va confier le Graal temporairement si on veut, mais comme il est chaste, bah, il peut pas avoir de descendance du coup. D'ailleurs, il y a un autre Alain le Gros, j'y reviens tout de suite, mais Alain n'a pas de descendance, mais c'est un de ses frères, un de ses autres frères, Josué, qui lui va avoir une descendance avec la fille de Calafé, qui est en fait le souverain païen de Corbenic. Et donc, ils vont convertir le château de Corbenic, qui veut dire apparemment « sanctissime vaisselle ». C'est une espèce d'étymologie un peu comme ça. Corbenic, quoi. Ouais. Quelque part. C'est un peu ces étymologies populaires. Qui prendra le nom de Alphacem, qui m'a semblé très un peu... arabisant. Simili-arabe, mais apparemment, c'est pas trop décrit pourquoi. Mais donc, lui, il va donner sa fille à Josué. Ils vont engendrer Aminadab, qui va se marier avec une fille du roi Luce. Luce, c'était une espèce de haut roi auquel plusieurs rois païens devaient leur allégeance et qui s'est converti aussi, on n'a pas mentionné, mais voilà. Ils vont engendrer Kaeloa, qui engendrera Manal, et Manal engendrera le roi Lambor. Et je cite, « Tous furent rois, tinrent un territoire et furent surnommés pêcheurs. » Donc c'est eux qui vont être la lignée des rois du Graal. « Ce Lambor, vertueux, aima Dieu par-dessus tout et fut excellent chevalier. Il avait comme voisin sur une frontière de son royaume un roi chrétien, mais ancien sarrasin, il se faisait la guerre. Et puis un jour, alors que des hommes du roi Lambor et de ce roi brûlant s'entre-bataillaient, Brûlant avait trouvé une nef récemment accostée, c'était la nef apparemment de Salomon, et voyant l'épée couchée sur le lit, la prit, la tira du fourreau, et revenant sur ses pas, trouva le roi Lambor. Il s'approcha pour le frapper sur le haume, la lame était si tranchante qu'il pourfendit le roi et le cheval jusqu'à terre, donc il a tranché Lambor en deux, en entier, et tel fut le premier coup frappé avec l'épée en Grande-Bretagne. Il en advint sur le territoire de Galles de si grandes calamités que pendant des années les terres y furent improductives, et n'y poussaient ni blé ni rien d'autre, et les arbres n'y portèrent pas de fruits, elles n'ont trouvé dans l'eau que peu de poissons, c'est pour ça que ça fut appelé la Tergast. Donc là, vous avez le coup douloureux qui donne naissance à la Tergast. Puis vous dites, ah donc, c'est lui le roi pêcheur. Non, parce qu'il est mort, en fait. C'est dans sa descendance qu'il a engendré Péléam, qui a été estropié. Donc, il n'a pas hérité cet estropié, mais il a été estropié dans une bataille contre Rome qui n'avait rien à voir. Donc, c'est ça qui gêne un peu les gens qui parlent du coup douloureux, c'est qu'ils aimeraient bien qu'il y ait le coup douloureux, la Tergast, le roi pêcheur, tout ensemble. Mais en fait, non. Là, c'est un peu démultiplié. Péléam est estropié dans une bataille contre Rome, et puis ensuite vous avez Pélès, donc lui on l'appelle le roi Méhénier, et ensuite il y a un roi nommé Pélès, chevalier d'une beauté rare, et il a eu une fille qui a eu une beauté si grande qu'elle était plus belle que tout le monde à l'exception de la reine Guenièvre, et c'est elle qui a engendré Galaad. Donc vous avez la descendance à partir de Josué de la lignée des rois pêcheurs. Il reste encore une lignée que le comte doit mettre en place, c'est celle de Nacien, qui avait déjà été mentionnée avant par l'ermite qui lui annonçait son destin. Nacien a engendré Céline Douane, qui engendrera Narpus, qui engendrera un autre Nacien, qui engendrera Alain le Gros. Donc il y a de nouveau un Alain le Gros dans la descendance, mais c'est un autre. Donc là, il y a une espèce de redoublement un peu comme ça, parce que l'autre Alain le Gros a plus de descendance du coup. Enfin, on se demande du coup... L'autre Alain le Gros était le père de Perceval dans la version Dido, en fait, à la base. Oui, je crois que là, c'est pas extrêmement clair qui... Non, là, il semble pas avoir d'enfant. Mais il est mentionné comme étant vivant plus tard, donc ouais. Alain le Gros, ils aiment bien le nom, visiblement. Il devait être chaste. Puis ce Alain le Gros a eu un fils nommé Isaïe, puis un fils nommé Aîné, donc il enchaîne un fils biblique puis un fils romain. Et ce Aîné a eu un fils qui s'appelait Lancelot, qui était en fait Lancelot Ier, donc le grand-père de Lancelot, qui a engendré Ban et Bohort, et ce Ban a engendré Lancelot. Et ce Lancelot, le conte se termine avec la mort de Lancelot Ier, qui était devenu cette espèce d'ermite très beau, mais qui avait été mis à mort par quelqu'un qui était jaloux, et quand ils ont décapité et que sa tête est tombée dans la fontaine et qu'il a voulu récupérer la tête, la fontaine s'est mise à bouillir et lui a ébouillanté les mains, et il s'est dit « j'ai fait quelque chose de mal », et c'est Lancelot qui tombera dessus, il n'arrivera pas à mettre fin à ses enchantements, mais il tuera les deux lions, je crois, qui était sur sa tombe, et c'est Galaad qui libérera son arrière-grand-père. Donc vous avez, c'est là-dessus que se finit le roman, avec la mise en place de ces merveilles qu'on a vues dans le Lancelot, c'est-à-dire ces deux lions, en fait, apparemment, la tombe de Lancelot Ier s'est mise à suinter de sang qui guérissait les gens. Et donc tous les chevaliers qui étaient blessés venaient ici pour se guérir. Et puis un jour, il y a deux lions qui couraient après un cerf, et puis ils se sont battus pour le cerf. Et puis un des deux lions est venu lécher ses plaies à côté de la tombe, et puis il a léché le sang. Et du coup, il a guéri à cause du sang. Et du coup, les deux lions sont restés ici en paix. Et c'est pour ça qu'on a deux lions qui glandent à côté de la tombe, parce qu'elle est miraculeuse en fait, jusqu'à ce que Lancelot vienne les tuer. C'est ici la fin de l'histoire d'El Saint Graal. Une dernière chose que j'ai oublié complètement de mentionner, mais qui est assez importante, c'est le bouclier de Galahad. Vous en rappelez peut-être son bouclier à la croix rouge. On l'avait vu sur le chevalier blanc qui avait aidé Evalac contre Ptolémée. En fait, ce bouclier est refait à partir d'étoffes rouges et donné à Séraphé, donc le futur Nacien, et il y a un Christ qui se manifeste un peu dessus. Plus tard, quand il meurt, parce qu'on va voir la mort justement de Joseph et de Joséphée, Joséphée avec son, il saigne du nez, je crois, puis il refait la croix sur le bouclier avec le sang qui coule de son nez, et du coup ça nous donne le bouclier, puis on va le mettre dans une abbaye, et puis les gens pourront essayer de le prendre, mais seul le bon chevalier pourra le prendre, et donc vous avez cette continuation supplémentaire du bouclier à la croix rouge et, de Galahad. Et Joseph et Joséphée, peut-être que tu le précises, meurent en fait de vieillesse simplement. Oui, ils ont établi le Graal en Grande-Bretagne, puis ils y meurent. Ils meurent très peu de temps l'un après l'autre, ce qui est logique parce que Joseph a été préservé du Graal à un moment, mais il meurt coup sur coup vraiment, ce qui est logique parce qu'il ne reconnaissait pas son fils qui avait vieilli, donc ils ont à peu près en fait le même âge terrestre, biologique. Donc c'est une histoire qui est assez fouillie. J'ai passé sur énormément de choses et j'ai peut-être ça c'est un peu trop, mais effectivement si je vais résumer, c'est une succession où ils tombent sur des rois païens qui convertissent, il y a un moment où ils sont séparés, puis il y a des bateaux qui les baladent d'épreuve en épreuve pour tester leur foi, deux trois petites vignettes antiquisantes avec l'histoire de Pompée et le bandit Forquer ou l'histoire d'Hippocrate qui sont très proches du Fablio en fait. On a la petite histoire avec une petite morale très misogyne, et puis une conclusion justement sur l'évangélisation de la Grande-Bretagne. Donc là, l'Orcanie, à peu près du Pays de Galles à l'Orcanie, vous avez une espèce de grande bande de chrétienté qui, on comprend, va essaimer et convertir le reste des îles. Donc c'était l'histoire d'El Saint Graal, on peut comprendre assez facilement pourquoi elle ne passionne pas les foules, c'est-à-dire que depuis l'édition de la Pléiade, je crois pas que ça ait vraiment soulevé de nouvelles éditions, de nouvelles traductions, de nouveaux travaux, il y a eu quelques thèses de doctorat faites dessus, peut-être un jour, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Je trouve que vous avez quand même pas mal de scènes assez marquantes, je veux dire cette espèce de le roi Evala qui couchait avec une espèce de statue en bois enchantée. Vous avez, j'adore toujours les musulmans anachroniques, franchement c'est un de mes motifs préférés des histoires arthuriennes, quand il y a des musulmans qui devraient même pas encore exister mais ils sont déjà là parce que je veux dire, il faut mettre des méchants quoi. Bah parce que tout ce qui est pas chrétien est tellement amalgamé dans un bloc de païens sarrasins que voilà, ça pose pas vraiment de problème, mais il y a quand même un certain charme là-dessus. Et puis quand même des grandes visions de transsubstantiation où des gens mangent des bébés. Ouais, c'est quand même. Oui, c'est ça assez... un certain charme. Maintenant, c'est un côté très frappant, quoi. Tu sens que c'était fait pour impressionner le chaland, quelque part. Mais tu sens que les gens ont lu La mort, le roi Arthur, et ils se sont dit, oh, tu sais ce que les gens veulent, plus de batailles, et ils en ont mis quand même pas mal. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est pas toujours le. Moi, c'est pas forcément ce qui me passionne dans ces écrits. On va faire peut-être une petite pause et revenir pour vous parler de la suite, en fait, plutôt littéralement, puisqu'il s'agit de la suite Vulgate du Merlin. Juste avant de reprendre une petite page de publicité, tu sais Antoine, nous aimons bien la légende arthurienne, mais tu sais ce qui est aussi important dans la vie, Pokémon, la mythologie oui, de Pokémon, qui est quelque chose de, c'est les deux principales mamelles de la civilisation occidentale. Et donc, est-ce qu'il est possible de parler de Pokémon tout en abordant des mythologies, des cultures, des légendes et même des sujets scientifiques bien ancrés dans notre réalité? Eh ben, c'est en tout cas le défi que s'est lancé Zenigame. Tous les 15 jours, il accédera à vos ondes pour vous parler d'une créature de poche issue d'un lointain monde qui est en fait un reflet d'une autre, des Pokémon bien loin de ceux que nous connaissons, mais qui ont le mérite d'exister. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi Game Freak les a-t-il fait ainsi? Voici les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Bref, rejoignez-nous pour découvrir l'immense bestiaire du Poké Freak Show tous les 15 jours sur Radio Kawa. Donc après ce petit résumé, cette petite analyse de l'histoire d'El Saint Graal, on va passer à l'étape suivante en sautant en fait une partie. Le Merlin tel qu'il est contenu dans le Lancelot Graal ou dans la Vulgate en elle-même est en fait beaucoup plus long, mais aussi comporte très largement une suite en fait par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode sur le Merlin de Robert de Boron, enfin l'adaptation en prose du Merlin attribuée à Robert de Boron. Cette version de la Vulgate est en fait simplement rallongée. Le cœur du Merlin, c'est-à-dire la conception de Merlin, le récit de son influence auprès du Terpendragon, la naissance d'Arthur et le Arthur qui enlève l'épée du Perron, en fait, sont identiques ou quasiment identiques. Il y a quelques allusions qui sont un peu différentes parce que certains personnages de l'histoire du Graal sont changés par rapport au roman de l'histoire du Graal de Robert de Boron, mais autrement, c'est très similaire. Et on va commencer, en fait, si vous voulez un résumé de ce Merlin, je vous conseille d'aller voir notre épisode consacré à Merlin. On vous renvoie à cet épisode-là. Là, on va commencer vraiment juste après le sacre, pas exactement le sacre, mais juste après le sacre d'Arthur et sa reconnaissance après qu'il ait tiré l'épée du rocher. La suite Vulgate, en fait, à ne pas confondre avec la suite du roman de Merlin, parce que la suite du roman de Merlin, c'est le nom qu'on donne généralement à la suite de la post-Vulgate, en fait, qui est plus connue, mieux adaptée, notamment parce qu'il y a un manuscrit assez célèbre, le Merlin, le Ut Merlin, en fait, mm-hmm. qui a été plus adapté, plus traduit, plus édité. Les Anglais parlent encore beaucoup de Ut Merlin, comme ils parlent encore beaucoup de Dido Perceval, alors que les Français commencent à se dire, c'était juste les possesseurs des manuscrits, on n'est pas obligé d'attacher leur nom à ce texte pour toujours. Exactement. Et voilà. La post-Vulgate comprend des éléments qui sont très connus, qui sont restés, notamment l'idée que Arthur reçoit successivement deux épées, donc l'épée qu'il tire du rocher, on va y revenir, à l'épée qu'il reçoit de la Dame du Lac. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Arthur a deux épées, en fait. Il y en a une qui s'appelle Caliburne et l'autre s'appelle Excalibur. Et en fait, c'est celle que la Dame du Lac donne, c'est Excalibur, mais l'autre... Nota Bene, on va se retrouver dans... On en reparlera un petit peu au long C'est un factoid que les gens aiment beaucoup, mais c'est vrai qu'il vient de la post-Vulgate où il y a vraiment en fait, le focus qui se crée sur l'idée que c'est l'épée d'Arthur. Alors que là, dans la Vulgate, il arrête pas de la donner à Gauvin, La donne à Gauvin, on va le voir en fait que c'est l'épée de Gauvin, en fait, ouais. Plus que qui que ce soit d'autre. Il faut préciser peut-être aussi que la post-Vulgate a introduit d'autres éléments, pas seulement ça. Introduit notamment la bête de la quest par exemple, la questing beast en anglais, qu'on avait déjà vu dans le Père Lesbos aussi. On l'a mentionné dans le Père Lesbos, mais c'est probablement tiré de la Vulgate, la post-Vulgate dans le Père Lesbos. On sait pas très bien l'interaction entre Père Lesbos et les autres. Toujours est-il que donc ce roman de Merlin est suivi dans la version de Vulgate d'une suite qu'on appelle aussi la suite historique par opposition à la suite romanesque de la post-Vulgate, parce que cette suite historique en fait est très largement basée sur le récit que fait Wass, en fait en traduisant Geoffrey de Monmouth. Ce sont vraiment les aspects très politiques, les guerres entre Arthur d'abord et ses barons, Arthur et les Saxons, Arthur et l'empereur de Rome, de façon presque, j'ai pas envie de dire laborieuse, mais c'est laborieux en fait, parce que c'est des longs passages de bataille après bataille. Si on peut me permettre de citer Douglas Bruce, qui a quand même été l'auteur d'une des plus grandes rétrospectives de la légende arthurienne, il dit que ce texte, la suite Vulgate, est pour la plus grande partie faite de descriptions interminables de guerre entre Arthur et ses barons rebelles, ou entre Arthur et les Saxons, ou entre les barons rebelles et les Saxons. Il ajoute même que c'est la portion la plus terne et la moins imaginative de tout le cycle de la Vulgate. Et je suis pas tellement enclin à disputer ça, mais il y a quand même quelques passages intéressants. qui valent la peine d'être étudiés, je pense. Donc préciser, on l'a dit, hein, c'est très très long, hein, c'est à peu près 5 fois plus long que le Merlin qui lui sert de base. Et en fait, c'est parce que la Vulgate en partie a introduit tellement d'éléments dans le Lancelot et la Caste et la mort d'Arthur que l'auteur de cette continuation du Merlin se sent obligé en fait de tout justifier en introduisant des éléments originels pour tout. Donc ouais. À peu près, sa source principale en fait, c'est même pas tellement Was ou Geoffrey, c'est vraiment le Lancelot propre. Il va introduire à peu près des éléments d'origine pour tout. C'est vraiment peut-être encore plus que la version que l'histoire d'El Saint Graal qui intègre au moins d'autres éléments. Là, on est vraiment dans une idée qu'il faut absolument introduire une explication pour tout. C'est vraiment de la préquelitis à son stade le plus pur. Et on va le voir, ça peut être assez laborieux. Peut-être une petite précision sur l'édition. Donc là, c'est encore pire que l'histoire. L'édition, il n'y a pas d'édition depuis Sommaire. Il n'y a pas eu d'édition scientifique depuis Sommaire. On peut qualifier d'édition scientifique celle du livre du Graal de la Pléiade, donc qui a été établi. Hein, alors c'est un peu un texte. Ça a été établi par Irène Freire Nunes. Ça a été introduit par Philippe Walter et la traduction et les annotations, on les doit à Philippe Walter avec Anne Berthelot. Il y a par moments un certain. Les annotations semblent être ce qui a eu le plus souffert, la traduction aussi, mais les annotations sont pas assez imparfaites. Ça manque là, en fait, à avoir un regard assez critique sur ce volume de la Pléiade. On peut lui reprocher pas mal de trucs, mais on va le voir. Typiquement, tu mentionnais des choses où tu as l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment en train de lire. À un moment, par exemple, il y a un chevalier qui s'appelle Agravadin, qui est présenté, qui n'a pas de rapport avec Agravin, à part son nom assez similaire. Et à un moment, la traduction switch les noms. Puis je me suis dit, ça doit être le manuscrit qui a dû changer de nom un peu abruptement pour le même personnage. Et en fait, non, le manuscrit mentionnait bien Agravadin, mais les traducteurs s'étaient trompés, ils avaient traduit Agravin. Donc ça a traduit certains problèmes de relecture et d'attention que je trouve dommage. Le fait que cette édition soit la seule, disons, moderne, c'est la seule édition moderne, même si elle n'est pas au plus haut degré de scientifique, d'édition, c'est pas une édition critique au sens commun du terme, il n'y a pas vraiment de variante, elle se base sur un seul manuscrit. Ça a aussi certains aspects un peu bizarres. Le fait c'est que cette suite du roman de Merlin, cette suite Vulgate, commence littéralement après le couronnement d'Arthur, juste après. Sauf que dans le manuscrit de Bonne sur lequel se base l'édition de la Vulgate, il se passe bien quelques feuillets en fait avant que il y ait un titre qui apparaisse qui dise ici commence. Et là, le manuscrit de Bonne appelle ça les premiers faits du roi Arthur. Et alors, du coup, Walter et compagnie ont sauté dessus. Poirion et Walter ont sauté dessus. On dit voilà, c'est le titre qu'on va leur donner parce que la suite Vulgate, c'est très moche. Et effectivement, c'est un joli titre. Le problème, c'est que ça commence. Le titre intervient un peu trop tardivement. Et on est une media res. On commence. On introduit en fait les personnages qui vont devenir des éléments récurrents. Mais ça fait déjà 20 feuillets qu'on a commencé. L'action a déjà bien commencé. Et en fait, dans leur édition, de façon assez. Ce que je trouve assez stupide, parce que même si le titre est là dans le manuscrit, c'est pas pour autant qu'on. On doit être absolument abruti sur ce point de vue-là. Ils commencent le texte à bien plus tard, alors que la fin du roman de Merlin va finir juste abruptement et après on passe à ça. C'est assez dommage. Et c'est justifié par cette espèce de titre, mais c'est pas du tout justifié par la continuité du texte, en fait, si on veut bien. Ouais. Tu me disais aussi qu'il y a un moment où Arthur récupère l'épée du roi Rion. Et puis justement, ils disent ça, il a pas encore Excalibur, alors que genre. Juste avant, il venait de transmettre Excalibur à Gauvin. Oui, il y a beaucoup de petits passages. Problèmes comme ça dans l'édition. Donc je trouve assez dommage que ce soit la seule édition disponible. Et il faut bien préciser que je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'on a un chercheur franco-suisse, Richard Traxler, qui est professeur actuellement de philologie romane à l'Université de Zurich, qui depuis à peu près 20 ans se bat pour qu'il y ait une édition scientifique de la suite Vulgate. Apparemment sans grande réussite jusque-là, il a un projet Il n'y a pas d'argent. Ça fait depuis 2001. Il y a un article de 2001 où il parle justement des problèmes qui l'ont vraiment poussé à vouloir ça, notamment des problèmes de continuité en fait, où il y a des personnages à la fin de la suite Vulgate qui sont morts alors que. En fait, dans la suite Vulgate suit le même schéma que le Merlin. La plupart des manuscrits du Merlin ont une suite avec en fait. Et ils ont été classés par Micha. Et il se trouve qu'en fait, les variantes qui correspondent selon Micha. À sa version du Merlin, il y a les deux grandes versions, les deux grandes rédactions du Merlin pour Micha, c'est la rédaction alpha qui est plus longue et la rédaction bêta qui est plus courte. Et en fait, s'il se trouve que les suites correspondent aussi assez bien à ça, sauf que la version alpha, qui est la version la plus ancienne du Merlin, à la fin, il y a un personnage qui s'appelle Farien, qui est un homme au service de Ban de Benoïc, ou de Bord de Gaune, enfin un des deux frères, qui meurt. Et en fait, il est important parce qu'il intervient assez directement comme un traître, un bon traître. Enfin, il rejoint Clodas de la déserte au début de l'ensemble, mais en fait, il sauve en fait les frères Bort et Lionel. S'il meurt à la fin de la suite Vulgate, il peut clairement pas être là. Donc, selon Trexler, dans son article qui était dans Vox Romanica en 2001, a une longue théorie sur pourquoi cet état de fait, mais il dit c'est difficile de préciser des idées là-dessus sans avoir d'édition critique. Et il se trouve que la seule édition qui est sortie depuis, c'est celle de la Pléiade, mais il n'y a pas eu de nouvelle édition, effectivement. Il faudrait peut-être temps d'avoir une édition du Merlin complète avec la suite, parce que ça serait assez logique d'en faire une, et ça n'a jamais été fait, assez curieusement. Ou de faire une édition de toutes les suites du Merlin et de toute la continuité qu'il pourrait y avoir. Ouais, mais ça, je suis moins satisfait parce que ces suites ne circulaient pas forcément ensemble, alors que les suites du Merlin sont toutes assez distinctes, il me semble, dans leur version manuscrite. En tout cas, Richard Trasler a continué à promouvoir l'idée du projet apparemment de 2007 à 2013. Il l'a défendu. Il a essayé d'avoir... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent investir de l'argent là-dedans. Et il affirme encore dans sa bibliographie qui est en ligne que c'est en préparation avec Annie Combe. Alors, pour l'instant, il travaille sur le Lovie de Morale pour l'instant, mais peut-être qu'il sait quand il aura fini qu'il aura des fonds. Il est encore relativement jeune pour le monde des Arthuriens. Il a le temps. Il a déjà des cheveux gris, mais c'est aussi des dunes d'un les Arthuriens. Ouais, il fait comme Bichat qui faisait tout ça à la fin de sa vie. Non, c'est dommage que ça manque, en fait, je trouve, parce que c'est vraiment un texte qui est intéressant et qui mériterait d'être plus étudié. Alors, intéressant est un grand mot là-dessus. Il y a pas mal de détails intéressants dedans. Alors, comme on l'a dit, si vous voulez le lire, donc à part la Pléiade, vous avez l'option aussi de les anglophones, en fait, presque plus de chance, parce que la traduction dans le volume de Norrie Stacy est un peu plus accessible, peut-être, en tout cas dans les bibliothèques anglophones, j'imagine qu'elle doit l'être. Mais de nouveau, elle se base sur l'édition de Micha pour le Merlin, et puis pour la fin de l'histoire de Merlin, sur simplement sommaire. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est assez sommaire, finalement. Mais surtout possibilité. C'est un texte qui est dans beaucoup de manuscrits, hein, donc on aurait possibilité de faire des choses intéressantes. C'est un texte qui est beaucoup plus édité que beaucoup de textes qui ont publié. Puis tu penserais que. D'accord, il est peut-être un peu rébarbatif, mais bon, je veux dire, t'es médiéviste, tu étudies des textes médiévaux, tu devrais être habitué un petit peu. Certes, c'est rébarbatif, mais c'est pas aussi plan-plan que certains trucs. Personnellement, j'ai trouvé ça moins pénible à lire que ce que j'ai lu de l'histoire de d'El Sincral, justement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est réparatif, mais c'est intéressant, et ça, c'est aussi la source de beaucoup d'histoires sur Arthur. C'est une de nos premières relations, par exemple, de la conception de Mordred, qui n'est qu'impliquée dans le reste de la Vulgate, donc du Lancelot Graal. Donc c'est en ça que je trouve dommage qu'il n'y ait que cette édition de la Pléiade qui est un peu sommaire, qui souffre de certains défauts et qui souffre de n'utiliser qu'un seul manuscrit, en plus. On va peut-être commencer par un résumé un peu global de la suite Vulgate. Je mentionnais dans les choses qui sont un peu particulières, tu as dit que c'était des batailles entre Arthur, les Saxons et ses barons, et qu'il y en avait beaucoup qui venaient d'Oise. C'est vrai, on peut ligne par ligne voir que ça vient d'Oise. Mais en fait, Arthur qui se bat contre ses barons, je voudrais juste noter, c'est quelque chose qui vient de là. C'est quelque chose qui ne se trouvait pas avant dans la tradition. Ah oui, non, quand je disais c'est clairement que c'est l'inspiration d'une partie, surtout les guerres finales d'Arthur. Là, effectivement, l'idée qu'Arthur a des problèmes au début, elle n'est pas présente dans le Merlin originel, qui est dans sa jonction avec le Dido Perceval. Ils sont un peu sceptiques et il faut remettre l'épée dans le perron et tout, mais après, ils sont conquis et ils disent c'est un bon. Mais voilà, là, ça commence vraiment, le Merlin commence avec la rébellion de six rois. Qui était auparavant au service du Terpendragon, contre Arthur. Et Arthur va d'abord devoir les battre avant de gentiment décider d'aller au service de Léodagan de Carmelite, qui est assiégé par le roi Rion, qui est un roi d'Irlande. En fait, il est roi de la terre aux riches pâtures, mais c'est clairement des Irlandais, qui sont aussi appelés Saxons, hein, par moment, parce que tous les méchants sont un peu confus dans cette histoire. Il va séduire Guenièvre chez Léodagan, où il est assisté notamment par Ban de Benoïc et Bort de Gaune, donc le père de Lionel et Bort, et de Lancelot et d'Hector Desmarres, qui vont en fait être à son service pendant plusieurs années. On va assister notamment aux défaites progressives des barons qui sont aussi assiégés par les Saxons, plus tard l'alliance des barons avec Arthur temporaire pour battre les Saxons qui va finalement être confirmée, les défections que font les fils des barons pour se mettre au service d'Arthur, qui est pour beaucoup leur oncle. Beaucoup de ces barons sont mariés à des sœurs d'Arthur, en fait. Et puis petit à petit, on va partir en Gaule où il y aura une première expédition contre Clodas et ses alliés européens. Puis pour finir, un retour final qui est là très inspiré d'Oise, très nettement inspiré d'Oise, où Arthur va devoir aller se battre contre Lucius, l'empereur de Rome. Alors, sauf que là, au lieu d'être vraiment la cause qui va faire que Arthur va partir en Europe et revenir pour trouver Mordred sur son trône, là c'est vraiment le triomphe d'Arthur, cette victoire contre l'empereur de Rome, ce qui est assez logique finalement. Donc c'est assez intéressant, il y a pas mal d'expéditions finalement sur le continent pour Arthur au programme. C'est là aussi qu'on retrouve vraiment, comme je l'ai dit, hein, toutes ces origin stories, ça va de la naissance d'Hector Démare à celle de la Carole Enchantée et de l'échiquier magique qui va même battre Guenièvre. Qui ne s'est pas demandé d'où venaient ces éléments absolument voilà. fascinants. Donc ça va être... c'est ça l'intérêt du truc principalement, c'est d'essayer d'inventer des raisons pour tout et n'importe quoi. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi par exemple Hector Démare, l'existence d'Hector Démare par exemple est assez difficile à comprendre s'il n'y a pas de raison. Là, le fait d'inventer une raison, ça peut justifier, disons, plus que par exemple présenter la naissance de la fausse Guenièvre, qui est suffisamment explicité, je pense, dans le Lancelot. Mais on va en tout cas vous essayer de vous résumer cette histoire dans les grandes lignes, avec des petits détails pour ne pas vous faire non plus une overdose de bataille et de défaite de la part des barons méchants et de victoire du gentil Arthur. On va essayer de garder ça aussi vivant que possible. Donc, comme on l'a dit, le couronnement d'Arthur marque la fin du Merlin propre, comme on peut le dire, et il va voir arriver les rois Lot d'Orcagny et de Léonois, Urien de Gore, Nantes de Garlo, Caradoc Bribra, qui est le roi d'Estrangor, Aguisan, le roi d'Écosse, et alors, il n'est pas mentionné, mais il est en fait dans l'ensemble le roi Idère. Et ces rois, dont plusieurs sont mariés à des sœurs d'Arthur, Urien, Nantes et Loth, sont tous mariés à des sœurs d'Arthur, vont petit à petit décider de se rebeller contre Arthur, après la révélation en fait de son, même après la révélation de son origine par Merlin. Merlin va lire une lettre, va faire lire une lettre qui explicite vraiment le lien d'Arthur à Uther. Les barons vont se rallier, mais le peuple et le clergé vont être du côté d'Arthur. Et les barons vont se disperser pour mener une guerre, une rébellion contre Arthur. Le problème pour Arthur est de les battre, donc il va les battre assez rapidement. Et sur le conseil de Merlin, il va aller se mettre au service de Léodegan de Carmélide, qui est lui pas un baron rebelle, mais qui est assiégé par ce roi Rion des Îles, donc qui est le Rion de la Terre aux Pâtures. Et Merlin va lui présenter également... en fait, Merlin fait beaucoup d'expositions dans ce récit. C'est un personnage capital, en fait. Ce récit, est vraiment, cette suite va vraiment se finir avec sa mort, entre guillemets, sa disparition, parce que c'est lui le personnage central qui facilite tout et qui va permettre à Arthur d'avoir de si grandes conquêtes. Et régulièrement, il va expliquer des choses, soit en se dissimulant sous l'identité de quelqu'un d'autre, soit en expliquant des choses aux proches d'Arthur. Non, en l'occurrence, c'est avec Ulfin et Bretel, qui sont les deux amis de Duterte qui vont assister Arthur dans les premiers temps. Il va expliquer notamment qui sont les filles d'Iguerne, dont plusieurs sont d'ailleurs pas les filles d'Iguerne ni d'Iguerne et d'Uther, bien sûr, parce que le seul enfant qu'ils ont c'est Arthur, ni même d'Iguerne et de son premier mari, le duc de Tintagel, Gourlois, mais vraiment d'un premier lit qu'elle avait encore, dont la mère de Gauvin, la femme de Lot, Blaisine, l'épouse de Nantes, le roi de Garlo, qui va être la mère de Galchien, et par contre l'épouse d'Urien, qui est la mère d'Ivin et la belle-mère donc ou d'Ivin le bâtard, va elle être une demi-sœur de ses deux sœurs et une demi-sœur d'Arthur parce qu'elle est fille de Gourlois, pour le coup. Donc il y a une espèce de petite distinction entre les sœurs, comme ça. On nous présente là le roi Ban et le roi Bord de Gaune, qui vont être appelés à l'initiative de Merlin également, qui va porter des messages vers eux, qui va envoyer des messages vers eux par Ulfin et Bretel. Ils vont laisser derrière eux Léonce de Paerne et Farien, qui vont préserver leur royaume pendant un temps après une espèce de défense contre Claudas de la Désarte, qui est donc déjà là présenté comme voulant le royaume des deux frères. Ils vont arriver auprès d'Arthur, il va y avoir un tournoi, il y a beaucoup de tournois, beaucoup de descriptions de tournois. Il va apprendre, notamment, ils arrivent avec un de leurs frères qui s'appelle Guinbo, qui est le frère de Bord, enfin qui est toujours présenté comme le frère de Bord spécifiquement, qui s'appelle Guinbo le clerc parce qu'il est intéressé par la clergie, la science en fait, et les jeux entre guillemets de Merlin. Et Merlin va lui apprendre des tours notamment, ce qui va lui permettre de créer l'échiquier enchanté de la carole magique. Merlin va en Gaule porter des messages à Léonce et à Farien. Il va revenir, et en fait, il y a toute une dynamique où Merlin va régulièrement se déguiser ou dire des choses que les autres ne sont pas censés savoir, puis Arthur, très amusé, dit « Ah, vous découvrez la puissance de Merlin !» C'est très centré sur le personnage, justement, de Merlin comme messager et facilitateur, effectivement. Ça crée vraiment le personnage de Merlin qui aide le roi, qui est le conseiller du roi ou qui épaule son règne, auquel on s'est vraiment habitué, mais en fait, dans le Merlin en prose jusque-là, ça se finissait avec la prise de pouvoir d'Arthur, et puis il y avait certainement l'idée que Merlin aidait Uther Pendragon et ses frères, mais Merlin qui aide Arthur, en fait, c'est là même chez Geoffrey, il n'est pas très très présent. Il est un peu présent, mais pas autant que là. Là, c'est vraiment Arthur qui voit sa domination sur toute l'Europe, en fait. Là, il y a de nouveau une bataille contre les six rois rebelles, et qui ont cette fois-ci des alliés. Ils ont avec eux le duc Esco de Cambenic, le roi Tradelinant de Norgal, le roi Clarion de Northumberland, le roi des 100 chevaliers, qui est toujours appelé juste le roi des 100 chevaliers, et le roi Brangoire. Et en fait, ils vont, pendant qu'ils se préparent à se retourner contre Arthur après cette défaite, se trouver attaqués par les Saxons. Et ça va être le motif principal, en fait, de tout le récit, c'est cette lutte contre les Saxons qui font des ravages. Il y a plein de rois saxons qui font des ravages dans toute la Bretagne. Et en fait, les principales victimes, c'est vraiment les rois rebelles. Ils vont être battus à plate couture par les Saxons assez rapidement. Et Arthur, pendant ce temps, se prépare à rejoindre la Carmélide, où, sur le chemin, il va rencontrer une jeune fille qui est veuve, en fait, qui s'appelle Lysanor, avec qui il va concevoir son fils Lohot, qui meurt après dans le Lancelot, mais qui, là, n'est explicitement pas le fils d'Arthur et Guenièvre. Qui est vraiment le fils d'Arthur et d'une autre demoiselle, avant son mariage. Ils partent pour la Carmélide, ils sont déguisés en mercenaires, ils partent en très petit comité, ils sont 39, je crois, 39 chevaliers, donc c'est des nombres extrêmement petits, parce que là, dans la suite Vulgate, le nombre minimum d'une armée, c'est 10 000. Ouais. T'as pas de groupe de moins de 10 000. Alors que là, ils sont vraiment un tout petit nombre de mercenaires, ils se présentent vraiment comme des mercenaires, et ils vont rejoindre la Carmélide, où vit Léodegan, mais aussi où se sont finalement réfugiés en quelque sorte les chevaliers de la Table Ronde, ouais, qui avaient été établis pendant le règne d'Uther et qui sont menés par Hervid Rivel et Malet le Noir ou Malet le Brun. Et en fait, ces chevaliers-là vont être mis en opposition avec les nouveaux chevaliers d'Arthur qui vont arriver, qui vont peu à peu aussi devenir des chevaliers de la Table Ronde. Mais on a déjà cette notion qu'il y a une opposition possible entre les chevaliers de la Table Ronde et les chevaliers qui vont être les chevaliers de la Reine. Ouais. Qu'on retrouvait dans le Lancelot, mais aussi dans la mort d'Arthur. Là, pour le coup, c'est Gauvain et ses frères et les neveux d'Arthur qui vont être les chevaliers de la reine et l'establishment chevaleresque, si on veut, de la Table Ronde, qui va être un peu les vieux, la vieille garde. La deep Table Ronde. Voilà, exactement. ils vont donc avoir plein de hauts faits contre les troupes du roi Rion. Pendant que les rois rebelles se lamentent du fait que Arthur peut pas les aider contre les Saxons, forcément, Léodagon non plus. Et là, il y a un passage intéressant. Il mentionne que Pélès de Listenois, qui garde son frère Pélinor jusqu'au terme des aventures du Graal, ne peut pas les aider. Pélinor étant blessé en fait, et Pélès de Listenois étant son gardien. Ni le roi Alain, qui est aussi blessé. Alors, il y a une espèce de confusion, ouais, comme s'il pensait qu'Alain était toujours vivant en fait, qu'il y avait deux rois pêcheurs qui existaient encore. Et déjà, le roi Pélès dédoublé du roi Pélinor, hein, ça c'est quelque chose assez. Ou alors, est-ce que Alain c'est le grand-père de. Alors attends. Alors, il est explicitement désigné comme le roi pêcheur, qui est dans l'histoire exclusivement le fils de Bron. Donc ça, ouais, m'étonne un peu, mais. C'est vrai que c'est bizarre, parce que. Alors, je pense que c'est plutôt une confusion. Est-ce que Alain a survécu 4 générations et est toujours là? Peut-être le Graal fait ce qu'il veut. Ouais, mais là, c'est bizarre parce qu'il y a déjà Pélès et Pélinor qui sont mentionnés, donc ça, c'est assez curieux, en fait, si on veut, comme... Bon, il y a aussi un Alain le Gros, mais qui est du coup l'arrière-arrière-grand-père de Ban, donc qui devrait pas être vivant non plus. Enfin, c'est vrai que les généalogies sont pas toujours faciles. Très clair, non, effectivement. Et du coup, les barons rebelles sont bien embêtés parce qu'il y a personne qui peut les aider contre les Saxons, et en plus, ils vont être abandonnés parce que Galsin, le fils du roi... Nantes décide de contacter son cousin Gauvain parce qu'ils disent, ouais, quand même, on est jeune, on est beau, on s'emmerde un peu, il faudrait qu'on aille aider notre oncle le roi Arthur parce qu'on voudrait être fait chevalier par lui, qui est plus prestigieux que tout le monde, qui a plus de noblesse que nos vieux pères, un peu embêtant, quoi. Et du coup, ils décident, Galsin, mais aussi Gauvain, bien sûr, Agravain, et c'est les frères Gaëriette et Guérette, vont décider de partir de chez leur père, alors que leur père a un peu le dos tourné, pour aller rejoindre l'ogre d'où Arthur est parti, puisqu'Arthur est en Carmélide, et aider l'ogre à se défendre contre les Saxons. Et c'est ce qu'ils vont faire, en fait. Non seulement ils vont être donc ces deux cousins, Galsin et les cousins, les frères de Gauvain, Gauvain et ses frères, mais aussi ils vont être rejoints plus tard par les fils d'Urien de Gore, donc Yvain et Yvain le Bâtard, Yvain la Voutre, et surtout Sagremor, qui est pour le coup le beau-fils de Brangoire, parce que Brangoire est marié à une fille de l'empereur de Constantinople, qui avait eu d'un premier lit avec le roi de Valachie un jeune homme nommé Sagremor, qui vit à Constantinople avec son grand-père. Donc il entend parler du roi Arthur et il décide, non, Constantinople, ouais, je me barre, non, à la manière de Cligès, en fait, Cligès, ouais, rejoindre les terres d'Arthur. On nous explique aussi, quand on nous présente les frères de Gauvain, l'origine de Mordred. Il y a un flashback sur la conception de Mordred, qui était conçue à l'ogre. Le récit nous dit bien que l'ogre, en fait, c'est l'ancien nom de Londres, donc le royaume de l'ogre, c'est vraiment centré sur Londres dans cette version. En fait, c'est Arthur qui, pendant le tournoi qui permettait de décider qui allait retirer l'épée du perron avant que Arthur devienne roi, pendant une nuit, il couche dans le même établissement avec sa famille que le roi Lot et sa dame, sa femme, donc la sœur d'Arthur, ce qu'il ne sait pas. Et Arthur est tellement amoureux d'elle que pendant que le roi Lot se rend à une réunion secrète de barons traîtres pendant la nuit pour se demander qu'est-ce qui se passe, comment on veut faire, qui doit tirer l'épée, il se glisse dans le lit à la place de roi Lot et il fait croire elle semble croire que c'est lui et donc il se force sur elle en fait. Donc c'est vraiment un viol qui mène à la conception de Mordred. Et le lendemain, alors il la serre elle et puis du coup il lui fait genre un clin d'œil puis il dit ah c'est moi qui couchais avec vous puis elle est un peu là oulala. Mais c'est présenté de façon assez ambiguë parce que d'un côté bah c'est son désir mais c'est aussi bah, le reste du récit pour le coup contrairement peut-être au Lancelot présente de façon assez négative en général le viol en général et le reniement du consentement en fait. Ça mène en général à des naissances qui sont pas terribles, en l'occurrence ça mènera à Mordred. Et c'est aussi par exemple au contraire il y a la fausse Guenièvre avec Léodagan qui viole la fille de son la femme de son sénéchal qui engendre une fille qui est exactement pareille que Guenièvre mais qui est du coup très très maléfique et qui va essayer de prendre voilà, sa place. Voilà exactement, et ça c'est et justement puis, ce qui est décrit juste après la naissance de la fausse Guenièvre. Et par contre, Yvain le bâtard, Yvain la Voutre est né aussi, pour le coup c'est quasiment une copie, il est né aussi du roi Urien et de la femme de son sénéchal, mais là c'est pas dit que c'est un viol, et pour le coup Yvain le bâtard bah, il est pas méchant, c'est un bon cavalier. Donc c'est ce côté assez net de rapprochement entre l'idée de viol et l'idée de progéniture négative en fait. Et qui est pas super pour les femmes qui ont été violées, qui ont des enfants du coup. Mais... Il y a aussi une idée de rétribution, c'est-à-dire que c'est un péché qui est commis par la personne et qui va se retourner contre lui plus tard. Donc comme Mordred contre Arthur ou la fausse Guenièvre contre Guenièvre et donc la parenté de Léodagan. Et donc tout cet ensemble de cousins neveux d'Arthur vont renier leur père pour se mettre au service de celui qui estime être leur liege et ils ont le droit de le faire, de se rebeller contre le père parce que finalement leurs pères sont traîtres. Ouais. Ils sont en opposition avec Arthur. Ils vont donc rejoindre Camelot et l'ogre pendant que Arthur se bat en Carmélide au service de Léodagon qui ne sait pas qui il est. Ils vont avoir des exploits face à Rion et à ses hommes qui d'abord essaient de ravager le pays autour de la capitale de Léodagon. Ils vont ensuite devoir faire lever le siège en fait qui a été mis devant la ville de Danblaze qui est la grande ville économique en tout cas de la Carmélide. On va voir les exploits donc des chevaliers de la Table Ronde, des chevaliers d'Arthur. Et aussi de Cléodalis de Carouès, donc justement le sénéchal de Léodagan, dont on nous raconte finalement l'origine de la fausse Guenièvre à ce moment-là. C'est d'ailleurs assez traître, ça ressort très mal sur Léodagan, hein, cette histoire de la fausse Guenièvre, et ça va revenir effectivement le mordre à deux reprises, notamment la question de la conception de la fausse Guenièvre dans l'ensemble, mais elle va être impliquée dans une histoire de substitution un peu plus tôt dans la suite Vulgate en fait. Arthur, après une victoire contre les hommes de Rion et la rencontre avec Guenièvre, Arthur va apprendre que ses neveux et sa grand-mère sont arrivés à l'ogre et il va dire bah, on va essayer d'aller les rejoindre. On nous décrit plusieurs batailles des rois rebelles contre les Saxons. De nouveau, les fils de Durien font accompagner leur père alors que celui-ci est avec son neveu Baudemagu, qui est le père de Meleagan d'ailleurs. Hein. On précise que Meleagan n'est à l'époque qu'un enfant. Baudemagu donc et Urien étant loin. Ses fils, Yvain, les deux Yvain vont rejoindre Arthur. Sagremor arrive et assisté par Gauvin, ils vont toute l'équipée du coup de ses cousins et de ses neveux va battre de plus en plus de Saxons. Et à un moment même, Lot est en train de se battre contre des Saxons. Il est battu par les Saxons qui capturent sa femme et c'est Gauvin qui va aller sauver sa mère en fait. Et la ramener à l'ogre. Et ça va être un élément plus tard quand Lot va devoir se rallier à Arthur parce que, en fait, finalement, Arthur a ses fils, mais aussi sa femme. Donc il va être bien obligé d'être le premier roi finalement à renoncer à sa rébellion. Pendant tous ces fêtes, on a régulièrement des intervalles où Merlin va voir Blaise, son confesseur, et donc le confesseur de sa mère, son parrain en gros, son mentor, pour lui raconter ce qui s'est passé. Et le conte nous dirait à répétition hein, que c'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé. Et aussi faire des prophéties. Et il fait régulièrement des prophéties qui impliquent En fait, Gallo, il y a beaucoup de prophéties où il mentionne un lion couronné qui est attaqué par un lion qui n'est pas couronné, mais qui a sous lui des lionceaux couronnés. Donc c'est clairement assez clairement Gallo, qui n'est pas couronné lui-même, mais qui a rassemblé de nombreux rois sous sa bannière, qui essaie de se battre contre le roi Arthur, qui est l'autre lion couronné. Et le léopard de Gaulle, donc ça c'est le léopard sans couronne, c'est en fait Lancelot, vient pour soit les réconcilier, soit aider le lion à la couronne. Donc il y a beaucoup de prophéties comme ça qui pour tout ce qui n'a pas besoin d'avoir une origine directe, c'est plutôt des présages de Merlin. On nous explique à ce moment-là que Clodas de la Désarde se prépare à s'allier au roi de Gaulle, à l'empereur Frol d'Allemagne, à l'empereur de Rome, qui on va lui envoyer une armée menée par un certain Ponce Antoine, pour attaquer les terres de Ban et Bort. Pendant ce temps, du coup, Merlin va essayer de renforcer les troupes et va donner des conseils aux hommes restés derrière en Gaule. Et c'est là qu'il va rencontrer, à proximité du royaume de Ban et de Bort, une jeune fille qui s'appelle Lignane, de qui il va tomber amoureux. Et elle va le persuader de lui apprendre sa magie. Et à intervalles réguliers, maintenant, il va aller visiter Lignane petit à petit pour lui apprendre des sorts, jusqu'à ce qu'il lui apprenne la sort finale qui va permettre à Lignane de garder Merlin auprès d'elle pour toujours dans une prison d'air. C'est souvent Ninian dans les anciens manuscrits. Aujourd'hui, c'est Viviane, parce que c'est le prénom qu'on a retenu. Mais Ninian, c'est souvent la version que les copistes préféraient. Elle est connue comme Nimue, souvent, en anglais, d'ailleurs. Donc, après cette première rencontre avec Ninian et le retour de Merlin en Carmélide, Arthur va être fiancé à Guenièvre, alors que Léodagan ne sait toujours pas qui il est, mais il a tellement fait d'exploits qu'il se dit « Non, je peux le fiancer avec ma fille, les yeux fermés. » Et bien lui en fait, parce que Arthur va à ce moment-là révéler qui il est. Et alors Guenièvre et Léodagan sont évidemment extrêmement contents. La guerre contre le roi Rion va continuer. Il va être allié à un autre roi qui s'appelle le roi Amant, contre qui c'est spécifiquement Bort qui va se battre. Bort et son frère Guinebo vont avoir une petite aventure où Guinebo va établir justement l'échiquier magique avant que Bort batte le roi Amant. Et Arthur va aller rencontrer ses neveux et va se retourner à l'ogre avant de préparer la guerre en Gaule, en fait. Et c'est en rencontrant ses neveux que vont intervenir plusieurs choses intéressantes. Sur le chemin du retour, il va tomber sur un trésor caché qui contient 5 épées. Il va utiliser ses épées pour adouber certains de ses neveux, notamment les trois frères de Gauvin et les deux Yvain, mais pas Sagremor qui amène une épée de Constantinople, et pas Gauvin, parce que Gauvin, quand il est fait chevalier, Arthur, lui, le saint d'Excalibur, d'Excalibur, dont l'histoire nous dit qu'il avait tiré du Perron. Donc oui. Là... Je reviens d'ailleurs, c'est un des problèmes que tu dis dans la partition du fait d'avoir les premiers faits du roi Arthur qui commencent un petit peu après la fin traditionnelle du Merlin, c'est qu'en fait, dans la succession difficile qui vient juste après, donc dans la fin du Merlin, dans l'édition de la Pléiade, c'est là qu'on a cette scène où on nous dit justement qu'il tire du fourreau son épée qui jeta aussitôt une grande lumière comme si deux cierges eussent brûlé. C'était l'épée qu'il avait prise au Perron et les lettres qui étaient inscrites disaient qu'elle s'appelait Excalibur, c'est un nom qui signifie en hébreu tranche fer et acier et bois. Donc explicitement dans la suite Vulgate, Excalibur, c'est l'épée qu'il a tirée du Perron et qu'il transmet à Gauvin. Ça, c'est toujours dit clairement dans la suite Vulgate. Et à partir du moment où Gauvin va la porter, à partir de son adoubement, ça va être l'épée de Gauvin. Ça va pas être l'épée de qui que ce soit d'autre. Arthur ne la touche plus, cette épée. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se demande si c'est pas une influence, donc l'influence peut-être de Chrétien qui a fait attribuer Excalibur, qui à la base est purement l'épée d'Arthur dans les légendes galloises, à Gauvin. Puis, du coup, ça va être le cas dans le Lancelot, c'est Gauvin. Et si vous vous souvenez, Arthur ne manipule l'Excalibur qu'à partir de la mort de Gauvin. C'est seulement après que Gauvin est mort qu'intervient l'épisode finalement final où il va être jeté dans l'eau. Mais jusque-là, Excalibur va demeurer l'épée de Gauvin. Et ça va être son épée, sa bonne épée Excalibur, pendant tout le reste de la suite Vulgate et pendant tout le reste du Lancelot Graal jusqu'à sa mort. Elle symbolise assez clairement, disons, le principe de la succession du royaume. Donc c'est Gauvin l'héritier d'Arthur dans l'absence de progéniture de sa part, donc c'est lui qui tient l'épée. Et dans certains manuscrits, comme on l'a discuté à propos du Lancelot propre, effectivement, il y a le duel qui défend l'honneur de Guenièvre où pendant qu'Arthur est ensorcelé, Gauvin est plus ou moins régent dans cette situation, c'est-à-dire qu'Arthur ne peut pas se prononcer parce qu'il est concerné par la situation, Gauvin ne peut pas se prononcer non plus parce qu'il est régent, et il transmet l'épée à Lancelot, et c'est Lancelot qui... Dans certaines versions, soit il se bat avec Excalibur, soit il se bat avec l'épée de Gallo. Mais quand il se bat avec l'épée d'Excalibur, c'est clairement sous-entendu que c'est lui qui se bat pour le salut du royaume et qui défend les intérêts de la couronne d'une certaine manière. Donc l'épée sert plus à symboliser ça. Et c'est vraiment avec la post-Vulgate que vous allez avoir l'idée que non, c'est l'épée. L'épée d'Arthur. La théorie des deux épées, l'épée Excalibur et l'épée Q. Il y a des épées yavistes et puis il y a des épées. Et les épées sacerdotales. Non, bon, ça des blagues sur la rédaction, la théorie des deux sources du Nouveau Testament, dont la source de l'évangile de Marc et la source Q, donc la source qu'elle est. Mais blague à part, c'est vrai qu'il y a cette idée de deux épées est très nettement bien postérieure même à la Vulgate. Et c'est surtout parce que Mallory l'a conservé en fait qu'elle nous est parvenue et que les gens aiment raconter ce petit factoid. Oui. Mais c'est ça pour le coup. Techniquement c'est vrai chez Mallory. Ouais, il a deux épées. C'est vrai dans une version. Je suis pas sûr que tu puisses dire universellement Arthur en fait a toujours eu deux épées. Non, c'est beaucoup moins sûr que pour le coup la théorie des deux sources du Nouveau Testament. Toujours est-il que après cet adoubement. De ses neveux, qui est d'ailleurs souvent représenté. Hein. Il y a le manuscrit de la Fondation Bodmer, par exemple, qui contient notamment cette suite Vulgate, a une image de Arthur qui revêt Gauvin d'Excalibur. À partir de là, Gauvin va vraiment devenir l'homme principal au service d'Arthur. Ça va mettre un peu en retrait Ulfin et Bretel, qui étaient jusque-là un peu les hommes d'Arthur. C'est vraiment le développement aussi de cette lignée de chevaliers qui va être associée à Guenièvre. Les nouveaux chevaliers vont prêter serment près de Guenièvre de devenir ses chevaliers. Et par opposition aux chevaliers de la table ronde, il y a une opposition assez farouche, il y a même un tournoi assez sanglant entre les chevaliers de la table ronde qui sont accusés par Gauvin d'avoir insulté les chevaliers de la reine, qui va être assez vite dégénéré à la fin après le mariage d'Arthur et Guenièvre. Toujours est-il que donc ils partent en Gaule pour se battre contre le roi Clodas et ses alliés. Ils vont les battre à plate couture, évidemment. On va de nouveau avoir droit à des songes et des prophéties de Merlin qui va faire des prophéties sur Gallo. Et notamment, une interpolation peut-être d'une histoire où Merlin va intervenir en allant se rendre auprès de l'empereur de Rome, qui là est appelé Jules César, en fait. C'est clairement pas Jules César, ça peut pas l'être. Mais c'est un empereur différent de celui qui interviendra à la fin du récit. On va nous raconter l'histoire de Grisandole. Grisandole, en fait, c'est le nom que prend une jeune fille de la cour du roi Frol d'Allemagne, qui a été... en fait, Frol l'avait chassée, elle et sa famille, du pouvoir allemand, et elle va se réfugier déguisée en garçon à la cour de l'empereur. Et en fait... Il y a toute une histoire où elle est déguisée en homme, elle est faite sénéchale, et le récit l'appelle toujours « il », en fait. Elle utilise les pronoms « il » pour se référer à elle tout du long, sauf Merlin, qui intervient et qui voit à travers son déguisement... Alors, on peut faire une lecture trans, effectivement, de ce personnage, mais ça semble assez clairement être un déguisement, parce qu'à la fin, quand Merlin va révéler au roi qu'à la base, ce chevalier, ce sénéchal, est en fait une jeune fille, et que sa femme, et c'est bien pratique, la femme de l'empereur le trompe avec une dizaine d'hommes qui sont eux-mêmes déguisés en filles. Donc il y a un thème de travestissement. Ils sont déguisés en filles pour pas que quelqu'un se doute que ces gens qui accompagnent en permanence la reine, ouais, ce sont ses amants. Il va faire mettre à mort l'impératrice et ses amants, et prendre pour femme... La jeune fille qui s'était déguisée en sénéchal. C'est un thème qu'on avait déjà dans la Vita Merlini, et où justement on essayait de tester Merlin en lui amenant un jeune garçon déguisé de différentes manières, et puis on disait on le ramène et on lui demande comment est-ce qu'il va mourir, puis à chaque fois il donnait une réponse différente, ce qui laissait penser qu'il s'était laissé abuser par le déguisement. Une fois notamment il le déguisait en fille. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans un épigramme latin, je sais plus exactement. Il y a une espèce d'idée sur le un épigramme latin qui parle d'hermaphrodisme aussi, qui a des thèmes similaires, mais on avait déjà ça dans la Vita Merlini, où Merlin arrivait à voir à travers les déguisements, et notamment le travestissement, alors que littéralement personne d'autre en est apparemment capable, hein, donc... Voilà, c'est vraiment... et ça s'ajoute aussi à ces espèces d'ambassades, entre guillemets, de Merlin qui se rend régulièrement... on le voit régulièrement intervenir auprès de rois païens. Il y a notamment un moment où il va se rendre auprès d'un roi qui s'appelle Flualis, qui a des rêves assez sombres sur le futur, visiblement. Et en fait, il va expliquer au roi Flualis que le sens de ses rêves, c'est que sa progéniture, ses enfants, et lui, sont tous païens, donc ils sont damnés, mais que ses enfants vont pas renier leur paganisme, alors que leur père si, et ça va lui permettre de survivre à avoir d'autres enfants. Mmh. Il y a des petits intermèdes comme ça, parce que le récit est finalement très centré sur Merlin, et donc on nous montre les exploits de Merlin assez régulièrement. Cette histoire de Grisandole, elle est assez proche de nouveau des fabliaux qu'on avait dans l'histoire d'El Saint Graal. On avait l'histoire de Pompée ou l'histoire de Hippocrate. Mais c'est assez intéressant, je pense, tout ce qu'il y a à dire sur le travestissement. Ça rejoint aussi le roman de Silence, qui est une autre aventure de Merlin, où il y a une jeune fille qui a été élevée comme un garçon, et puis apparemment c'est la seule personne qui arrive à se saisir de Merlin, parce qu'il peut pas être saisi par un homme, ou il y a quelque chose comme ça. Un roman de Silence qui a le plus fait parler les gender studies sur ce sujet là ce qui est logique, parce que c'est littéralement le sujet du roman. Mais pour le coup, ça serait un sujet intéressant d'étudier ce passage là mais on peut pas vraiment le faire, parce qu'il est pas tellement édité, ce texte. Non, il y a aussi ce, par exemple, exemple, typiquement, on nous dit que de crainte que la barbe ne pousse à ses 12 lieutenants, bah justement, l'impératrice leur fait appliquer des onguents de chaux et d'or piment dissous et bouillis dans du pissa. Donc il y a vraiment une espèce de logique de la pharmaceutique qui est impliquée dans leur travestissement. Comment on fait pour qu'ils aient pas de barbe qui leur pousse, en fait, qui est quand même assez intéressante, je pense, pour ce genre de conception et d'idées sur la médecine et les corps. Voilà. Peut-être pour finir, en fait, sur le thème de Merlin, justement, je ne l'ai pas précisé hein, pendant les batailles parce que je n'ai pas décrit les batailles d'outre mesure, mais un élément récurrent de toutes ces batailles, c'est que Merlin y intervient de façon magique. Oui. Il a notamment un oriflamme magique qui permet de battre les barons, puis après les saxons, qui est en fait un dragon qui crache du feu, en fait. Oui, je crois qu'il y a une figure de dragon. C'est dans la bataille de Caerleon, il est en haut d'une tour, puis il leur balance du feu sur la tronche. Ça, c'est pour contre les barons tout au début, mais tout ça va début. Continuer, le thème va être très récurrent, en fait. Après cette histoire de Grisandole, on va assister à une victoire des Saxons à Cambenic contre les troupes des rois alliés, puis au mariage d'Arthur, qui est donc retourné de Gaulle victorieux et qui peut prendre pour épouse Guenièvre. Guenièvre va être victime d'une tentative d'enlèvement fomentée par certains barons et par notamment avec l'aide de la fausse Guenièvre, qui vont être battus par Ulfine et Bretel de façon assez sanglante, disons. Et c'est là que les combats entre Lot vont intervenir. Et là, Gauvin va en fait être impliqué dans une bataille contre les troupes de Lot et il va en fait tabasser son père. Il va vraiment le battre à plate couture et va lui dire « Bon, maintenant, il faut arrêter avec les bêtises, il faut que tu me rejoignes, moi et mon oncle. » Et du coup, bah, Lot est un peu embêté parce que bon, il aime bien la rébellion, mais il se dit « Ouais, quand même, il y a tout un passage où il est très Calimero, il se plaint, il me dit « Ah, il m'arrive que des emmerdes depuis que je me suis rebellé contre le roi Arthur. Finalement, peut-être c'est mieux de rejoindre Arthur. Je pourrais voir ma femme qui est restée à l'ogre depuis qu'elle a été sauvée par Gauvin et puis mes fils. » Et donc Arthur, un peu obligé, ferait hommage à Arthur. Et il va être en fait l'outil qu'il va utiliser Arthur pour semer un peu la dissension et pour essayer de retourner les barons en sa faveur. Il y a donc un long tournoi qui va impliquer les chevaliers de la table ronde contre les chevaliers de la reine, qui va être assez sanglant, au terme duquel, notamment, va y avoir une aventure entre Guillaumard et Morgane. Morgane, donc la sœur de la sœur d'Arthur, mais aussi la sœur de la mère de Gauvin, évidemment, qui est à la cour d'Arthur et qui va tomber amoureuse d'un chevalier qui s'appelle Guillaumard. Et c'est parce que la reine Guenièvre en fait met fin à cette relation secrète entre Guillaumard et Morgane que Morgane va lui vouer une haine à vie, en fait, qui est et c'était ça qui est aussi précisé dans la morte d'Arthur, en fait. Qui avait cette raison derrière le mort de Arthur que et dans aussi le Lancelot, que Morgan détestait Arthur, en fait, et Guenièvre à cause de cette... spécialement Guenièvre à cause de cette, disons, cette atteinte à sa relation avec Guillaumard. Guillaumard et Morgan étant séparés, ça va être le tour de Lot et de ses fils d'aller mener une ambassade envers les rois rebelles, et ils vont avoir un long périple qui va être notamment marqué par des incidents entre les frères de Gauvin. Gaëriette notamment est beaucoup provoquée à Gravin, donc il y a une scène où Gravin est en train de tabasser un de ses frères avec un bâton, et en fait le récit décrit le bâton qui se raccourcit à chaque fois qu'il donne un coup. Il y a des moments assez violents où Gravin est un peu, et puis tu sens que Lot il peut rien faire, en fait Lot c'est le père un peu distant, et que c'est Gauvin qui doit ramener l'ordre parmi ses frères. Ils vont arriver à, après plusieurs victoires contre les Saxons, ils vont avoir un petit intermède où ils vont être rejoints par Élisère, qui est le fils du roi Pélès, donc le frère d'Hélène. Il est mentionné plus tard hein, dans la caste. Élisère veut être l'écuyer de Gauvin, en fait. Et donc il va se mettre au service de Gauvin. Ils vont avoir d'autres victoires contre les Saxons. Et ils vont, ils vont avoir des petites aventures. Gauvin va sauver une damoiselle. Ils vont battre finalement les Saxons à Cambenic. Donc les barons vont réussir à avoir un petit peu de répit. Et Arthur et en fait ils vont pouvoir faire leur ambassade et convaincre les barons, en tout cas dans l'intervalle, même si les barons ne sont pas super chauds pour faire la paix avec Arthur, et ils trouvent que Lot est un peu un traître quand même, d'où peut-être la réputation que Lot a d'être un traître invétéré, alors que pour le coup, après avoir rejoint Arthur, il va rester à son service toute la vie, hein. C'est pas comme dans Camelot, mais peut-être que l'idée que Lot est un peu fan de traîtrise vient de là. Versatile. Assez versatile en tout cas comme personnage, effectivement. Il va les convaincre de rejoindre les troupes d'Arthur pour faire une grande bataille contre les Saxons qui permettra de les chasser, et après on y verra un peu plus clair. Ils vont donc se retrouver tous à Salisbury, donc près de Stonehenge. Et c'est là qu'Arthur va en fait retrouver non seulement ses alliés, mais aussi les barons rebelles, et ils vont finalement un peu négocier un compromis, notamment avec Merlin, pour d'abord avoir l'aide des barons dans l'immédiat, puis après la défaite des Saxons, en fait, ils vont finir par se rallier assez naturellement parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tellement le choix, en fait. Ils vont battre les Saxons d'abord à Salzwehr, puis ils vont les pousser jusqu'à Clarence, qui va être la victoire un peu finale contre les Saxons, qui va permettre de les chasser, et qui va faire une réunion entre les hommes des barons rebelles et ceux d'Arthur. Il y aura donc avant une péripétie finale, mais vu que la Bretagne est pacifiée à la fois des rebelles et des Saxons, finalement les rois Ban et Bort vont pouvoir rentrer, non sans auparavant faire halte dans un château chez le seigneur des mares ou chez le seigneur des marais, où Merlin qui accompagne les rois, va en fait ensorceler le roi Ban pour qu'il couche avec la fille du seigneur des marais, qui est tombée amoureuse en fait de lui, pour engendrer Hector Desmar, qui est le demi-frère de Lancelot. Et puis tout le château est plongé dans une espèce d'enchantement. Ouais, il plonge le château dans une espèce de sommeil profond. Il se lève, il a l'apparence d'un jeune homme de 15 ans, donc ça doit être assez flippant. Son sourire nous est décrit comme un peu ambigu, donc c'est assez. Il se lève, il va chercher la demoiselle qui est la seule à pas dormir et il l'amène au lit du banc pendant que les deux font leur. Là, tu dis que c'est Hector Desmar, mais en fait, Antoine, il s'agit de Hector des Morts. Oui. Et en réalité, il s'agit d'un seigneur d'Afrique du Nord qui. Ça, c'est plutôt inspiré par Parsifal, j'ai l'impression. Hein. Le roi qui fait un demi-frère au héros. Non, là, pour le coup, c'est vraiment une explication parce que, en fait, on a l'impression que l'auteur ne savait pas trop comment faire en sorte que Ban ait un fils avant d'avoir Lancelot. Que ce soit pas trop de sa faute non voilà, plus. Voilà, c'est ça. Alors que les autres, parce qu'Hector Desmar est positif, donc il peut pas être vraiment né d'un adultère ou de quelque chose comme ça. On remarque le fils d'Arthur et de Lysanor, Lohot, est né dans une situation un peu ambiguë. Elle est veuve, lui il est pas encore marié. Ouais. Alors certes, il est pas dans les liens du mariage, mais c'est pas trop mauvais. Alors que contrairement à ça, Arthur viole sa sœur pour faire naître Mordred, et Léodagan viole la femme de son sénéchal et donne naissance à la fausse Guenièvre. De retour dans leur pays, ils vont pas être éloignés pour bien longtemps parce que le roi Rion des Îles va mener. Rion des Îles est un géant. Il veut la barbe d'Arthur, donc on peut penser que c'est le personnage assez similaire qui est intervenu dans le Tristan. Hein, on en avait parlé dans notre épisode sur Tristan, sur la fin où Tristan va justement se battre contre ce géant. Le roi Rion des Îles va être finalement battu après une longue guerre à nouveau contre ce personnage qui voulait se venger de sa défaite contre Arthur et Léodagan. Et ça va être la pacification finale de l'île de Bretagne, mais non sans qu'une nouvelle menace arrive. Et là, c'est là que le récit vire purement dans le récit d'Oise, puisque la menace qui arrive, c'est celle des Romains, qui ont été un peu courroucés, disons, de la défaite de Ponce-Antoine avec la coalition européenne contre Arthur menée par Claudas. Puisqu'il décide de récupérer finalement toute la Gaule et surtout de remettre Arthur sur le droit chemin du bon tributaire romain. Et il envoie donc exactement comme dans Oise des messagers qui vont lui faire l'ultimatum. L'empereur romain va comme dans Oise être allié avec à peu près toute l'engeance entre guillemets méditerranéenne et païenne, même si lui est censé être chrétien, et il va être battu. Et comme dans Oise, c'est rigolo parce que qui était intervenu un peu au début du récit mais qui était quasiment absent depuis, et puis Bédoyer en l'occurrence, qui n'était absolument disparu au bataillon, qui n'apparaissait pas du tout dans le Merlin, de la suite du Merlin, apparaissent là comme les principaux lieutenants d'Arthur puisqu'ils se basent directement sur Oise. Ouais, ouais. Donc il y a ce retour un peu de nulle part de ces deux personnages qui vont aider Arthur à mener ses armées. D'abord, ils atterrissent près du Mont-Saint-Michel, donc il y a l'épisode du géant du Mont-Saint-Michel qui est un peu simplifié. Il n'y a pas, par exemple, évidemment, vu que c'est le début, c'est le paroxysme du début du règne d'Arthur, il n'y a pas encore la roue de la fortune. Donc il se bat d'abord contre le géant du Mont-Saint-Michel qui parvient à battre sans encombre. Il va mener sa guerre contre les Romains qui vont être de nouveau, comme on le verra après dans la mort de roi Arthur, très facilement battus, avant de finalement revenir sur leur pas. Ils passent par la région du lac de Lausanne. Donc évidemment pour nous c'est le lac Léman, mais il semble, alors je vais faire une petite concession française, que en fait ça désigne plutôt le lac du Bourget, parce que l'épisode en fait implique l'existence d'un chat géant qui est le chat du lac de Lausanne, qui est un chat monstrueux qui va être battu par Arthur avec l'aide de Merlin, et ça va la mort de ce chat géant va donner naissance à un nom en fait pour une montagne, et la montagne qui surplombait le lac de Lausanne, que les habitants appelaient le mont du lac, va être nommée le Mont Scatus, donc le mont du chat. Et il se trouve qu'il y a un lac qui est surplombé par une dent du chat dans les Alpes, Enfin, c'est à la rencontre du Jura et des Alpes, mais c'est dans, autour du lac du Bourget, près d'Aix-les-Bains. Et cette dent s'appelle la dent du chat encore aujourd'hui. Alors si effectivement cette dent du chat s'appelait-elle au Moyen-Âge, on peut penser que c'est peut-être de là, c'est peut-être ce lac que désigne le lac de Lausanne dans le récit de la suite Vulgate. Même si personnellement je suis très attaché au fait que ce soit le lac Clément dans sa... tu sais quoi, il y a une seule manière de trancher, il faut qu'on aille trouver des pêcheurs de truites dans le lac Léman et qu'on leur demande ce qu'ils en pensent. Et du coup, après la défaite la victoire contre le chat de Lausanne, ils vont pouvoir rencontrer, ils vont pouvoir s'en retourner en Bretagne où ils vont pour faire leurs adieux finalement à Merlin qui va pour la dernière fois leur dire voilà je pars, mais cette fois-ci je ne reviendrai pas. Et il va là apprendre après plusieurs, il avait fait déjà plusieurs séjours chez Ninian où il lui avait appris des sorts. Là il lui a notamment pendant plusieurs rencontres, il lui a appris un sort qu'elle est censée faire entre les jambes d'un homme pour que celui-ci ne puisse pas coucher avec elle. En fait, Merlin semble être intéressé par l'idée de connaître charnellement Ninian, qui est très jeune, qui a genre 12 ou 13 ans, donc c'est assez glauque. Et il lui apprend un sort qui fait que dès qu'il a envie de coucher avec elle, elle lui fait un geste magique, où elle lui met un coussin entre les jambes aussi, suivant comment, et il ne peut plus coucher avec elle. Et donc, en plus de ça, il va lui apprendre un sort qui lui permettra de l'enserrer définitivement dans une prison d'air, et elle va le faire. Elle va l'endormir, le mettre un coussin entre les jambes pour qu'il ne couche pas avec elle, et elle va l'entourer de sa guimpe et créer un sort qui l'enferme définitivement dans une prison d'air. Un épisode final va intervenir, qui va lui aussi être un peu magique. Un chevalier nain nommé Enadin, qui avait été adoubé. La demoiselle qui accompagnait le chevalier nain avait demandé à Arthur une faveur, et la faveur c'était de faire adouber ce chevalier nain. Et Arthur y avait accédé, il ne voyait pas forcément d'encombre, même si c'était un peu ridicule, qu'est-ce qu'il est laid ce nain. Et en fait, ce nain n'en est pas un. Il avait été ensorcelé par une jeune fille qu'il avait rejetée. Et il va intervenir un épisode où il va se battre farouchement contre 5 chevaliers plus grands que lui. Il va réussir à les battre. Et en fait, en essayant de l'aider, il va rencontrer Gauvin, qui voulait l'aider au début, qui va apprendre qui il était. Et en fait, avant de le croiser, Gauvin avait rencontré une demoiselle dans un bois et il n'avait pas salué. Et du coup, au moment où il croise le chevalier nain, Gauvin devient un nain à son tour, alors que le chevalier nain est libéré de sa malédiction et redevient le chevalier, le beau jeune homme qu'il était, et alors que Gauvin est transformé en nain. Et donc on va voir pendant quelques pages les aventures de Gauvin, chevalier nain, qui va se battre à plusieurs reprises contre des vilains, qui va être victime de cet ensorcellement, qui ne sait pas trop comment s'en sortir, et qui va finalement retomber à Brocéliande, où il va entendre une voix. Et il entend en fait la voix de Merlin, qui ne peut pas voir parce que Merlin est prisonnier. Merlin va faire ses derniers adieux à Gauvin et il va lui raconter son histoire, comme ça, pour qu'il raconte après à Arthur ce qu'il est advenu de Merlin. Et il va lui donner une solution. Il faut qu'il recroise la demoiselle et qu'il la salue ce coup-ci. Et c'est ce qu'il va faire. Il va recroiser la demoiselle dans la forêt où il l'avait croisée la première fois. Il va la saluer et il va se retrouver changé en un homme normal, enfin un homme de grande taille, l'homme qu'il était avant. Et il va dorénavant faire le vœu de toujours saluer, de toujours être courtois avec les jeunes filles qu'il va croiser dorénavant. Donc c'est un peu cette racine aussi de Gauvin, beau parleur et gentil avec les dames, qui est issue de cette mauvaise expérience qu'il a eue. Et sur ces entrefaites, après les aventures de Gauvin transformées, on nous fait revenir au royaume de Benoïc, où on nous raconte, c'est là que va intervenir la prise de Benoïc par Claudas, et que va commencer le roman qui commence ainsi, en la marche de Gaulle. Okay, donc le début du Lancelot. Voilà, il va raconter, et c'est là que va intervenir notamment justement cette espèce de variante entre les deux grandes rédactions, puisque la rédaction bêta, donc celle qui est du manuscrit de Bonne, fait survivre Farien, alors que la première version alpha va le faire mourir en fait avant qu'il puisse aider Lancelot dans le Lancelot. Et on nous raconte effectivement la naissance des deux enfants de Bort et du fils de Ban, Galad, qui sera nommé Lancelot. Et c'est là qu'en fait va s'ouvrir littéralement Lancelot. On intervient directement. Donc en fait, ce récit va permettre en fait à l'intégrale du Lancelot Graal de couvrir vraiment tout le règne d'Arthur, de sa naissance, de son couronnement, jusqu'à vraiment sa mort. Mmh. Et avec ce long intermède, qui est très long, et qui est là encore, je vous ai fait la version courte, je l'ai très résumé, et en plus la rédaction bêta est la rédaction la plus courte des deux, comparée à la rédaction alpha, qui est apparemment entre 30 et 40% plus longue, ouais. Donc c'est un texte énorme qui raconte effectivement des batailles à répétition et à foison. Si vous aimez analyser les récits de bataille dans la littérature arthurienne, c'est vraiment fait pour vous. C'est dommage qu'il ne soit pas plus édité, j'ai envie de dire, ce coup-ci. Il est plus intéressant qu'il y paraît, il y a des thèmes qui sont vraiment assez intéressants, je trouve. Notamment, cette idée que les fils des beaux-frères d'Arthur vont rejoindre Arthur, en fait, malgré leur père. Ils vont mener un peu un effort de réconciliation. Je le trouvais assez intéressant, par exemple. Non, l'opposition entre la jeune table ronde et l'ancienne table ronde qui est intéressante. Il y a les discours, justement, de ces espèces de petits fabliaux ou petits épisodes de travestissement. Il y a les aventures un peu magiques de Merlin. Il y a le fait qu'il utilise ce que t'es un peu high fantasy, où il va utiliser de la magie pendant les batailles pour donner de la suprématie à Arthur. Il prend vraiment ce rôle où il aide... Où on a vraiment gardé la version très distincte. La suite Vulgate a quand même eu un impact sur la façon dont on pense à la légende arthurienne, même si on l'a eu d'une manière assez distillé sur quelle est la place de Merlin, son enserrement par Ninian, qui est justement cette histoire bizarre. Puis donc c'est difficile à dire est-ce que c'est, parce qu'il y a aussi une scène dedans où sous la commande de Nacien, justement, les deux tables rondes font le serment de toujours secourir les demoiselles en détresse. Puis il y a aussi un débat entre les frères de Gauvin, justement, sur qu'est-ce que vous faites si vous trouvez une demoiselle oui, dans la forêt. Oui, je l'ai précisé, c'est une des causes de conflit entre Agravin et ses frères, en fait, où Gauvin va demander à Agravin qu'est-ce que vous feriez si vous voyez une demoiselle en danger, qu'est-ce que vous en feriez? Et Agravin dit en somme, oh, bon, je ferai ce que je veux avec elle. Gaëriette dit, moi je ne lui toucherai pas. Et puis Gaëriette dit en somme, je ferai mon affaire avec elle seulement si elle le veut bien, si elle consent. Et même ça, c'est pas assez pour Gauvin qui dit non, le seul qui a raison c'est Gaëriette, on ne fait rien, on est chaste à tout prix. Et c'est une des causes en partie du conflit. On a beaucoup de foreshadowing du caractère un peu conflictuel d'Agravin d'ailleurs dans ce récit. Hein, Mais donc on a aussi ces idées justement sur le fait qu'il faut secourir les demoiselles en détresse et pas forcément les abuser. Il y a une vision assez négative du viol. Et puis du coup, la relation entre Merlin et Ninian, est-ce que c'est une prolongation de cette idée que finalement Merlin va au-delà de ce qui serait acceptable et puis que c'est un peu glauque et qu'elle a raison de se défendre et puis finalement c'est bien fait pour lui? Ou alors est-ce que c'est plutôt dans la lignée des fabliaux misogynes où c'est encore un grand homme qui tombe à cause de la traîtrerie d'une femme? Mais je pense que les deux lectures se chevauchent un petit peu là-dedans. Les deux, et en même temps, c'est la volonté de Merlin. Merlin sait qu'il ne peut pas résister à Ninian, il va y retourner, il y retourne en permanence. Oui, il a ce côté vraiment très. Vu qu'il sait ce qui va se passer, il est très résilient finalement. Oh, bon, voilà. En même temps, il est dans une prison d'air, il n'est pas non plus. C'est pas non plus l'image du Merlin immobilisé dans une prison de glace. Hein. C'est vraiment. Il est dans une tour, en fait, où il est. Où seul Ninian ou Viviane peuvent venir le voir et il peut. Il a l'air d'apprécier ça, c'est pas. Il a la liberté de ses moyens à l'intérieur de cette tour. Il ne veut pas s'en échapper, mais il a quand même. Il peut quand même bouger, il peut lire, il peut vivre. Et il peut voir sa bien-aimée et vivre avec elle, en fait. Dans son dialogue avec Gauvin, il a l'air plutôt peinard. Il a l'air d'accepter son sort avec sérénité. Ce qui n'est pas le cas, je crois, de la post-vulgate, où là, il se fait écraser par une pierre et c'est un petit peu plus vindicatif. Mais là, on est dans la version un peu heureuse des deux. Mais je pense quand même qu'il y a une espèce. Ça conjugue une espèce d'ambiguïté dans ces. Qu'est-ce qu'on est censé tirer de ce fabliau? Parce que, comme dans l'histoire d'El Saint Graal, souvent, c'est une morale assez misogyne qu'on est censé tirer. Genre, vous savez, les femmes, elles sont comme ça. Il y a deux, trois laïus comme ça dans la suite vulgate et dans l'histoire d'El Saint Graal. Mais pour l'instant, pour le coup, la suite vulgate, à part quelques figures vraiment très négatives, comme la fausse Guenièvre et l'impératrice de Rome, la femme de Jules César, beaucoup de personnages féminins sont présentés assez positivement, finalement. C'est ça qui est assez intéressant aussi, même s'ils n'ont pas un grand rôle. Hein. Non, c'est intéressant, c'est pas toujours très cohérent, mais justement, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ces textes, malgré leur longueur. Voilà, c'est difficile, effectivement, on vous a fait pratiquement... 2h30, 2h15 de texte sur ces deux de récits. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de venir pour finir pour vous parler, de faire ce petit bilan du Lancelot Graal, de la Vulgate. Oui, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc au terme de ces quatre épisodes, on a traité des grands textes de la... Enfin, 4 plus 1, si vous voulez avoir l'intégrale pour le Merlin, hein, qu'on n'a pas détaillé ici, mais qui est aussi, faut-il le rappeler, très intéressant et très, très riche. 5 épisodes, en gros, pour parler d'un des plus grands cycles en prose, Qu'est-ce qu'on en a retenu finalement? C'est ce côté très... finalement, il y a ce côté très Star Wars, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment... Tu faisais l'analogie entre... je disais que le Lancelot propre, c'était la trilogie originale, sauf la préparation de la quest qui est Star Wars 7, donc le réveil de la force. La quest, c'est le 8. Le 9 n'est pas encore sorti, mais ce sera la mort du roi Arthur, je pense. Et la prélogie, c'est la suite Vulgate, où vous avez vraiment des histoires d'amour un peu cucu, des trucs qui n'ont pas grand-chose à faire là, beaucoup de politique. Et... et de disputes commerciales entre non effectivement il y a ce côté un peu là que je l'ai dit hein, les récits souffrent un peu de préquelitis, c'est-à-dire que cette histoire et surtout la suite Vulgate veulent absolument expliquer tous les moindres détails pourquoi et c'est le même problème dont souffrait par exemple le film Solo qui racontait comment Han Solo a eu son blaster, comment Han Solo a eu le Faucon Millenium, comment Han Solo a eu ce côté très il faut expliquer chaque détail. On est à mettre en contexte. Et au lieu de donner des origines un peu globales ou, disons, philosophiquement dans la lignée, on préfère avoir une lignée très infaite, du coup, une origine. Ce qui est dommage. Par contre, il y a un côté où je trouve que c'est, malgré le côté préquel, ces récits souffrent moins. Malgré le fait que c'est une accumulation, finalement, d'origin stories, ils ont un but. Ils ont une cohérence narrative. Alors, c'est peut-être pas aussi net que, par exemple, La mort le roi Arthur ou La caisse d'El Saint Graal, qui sont pour le coup très concentrés sur leur but final, mais ces deux récits, à la fois l'histoire d'El Saint Graal et la suite Vulgate du Merlin, ont des paramètres bien délimités. Et c'est ça qui fait un peu leur force, finalement, comparé au Lancelot, qui est beaucoup plus grand que les deux, hein, qui est plus grand que les deux réunis, il faut le dire, qui est, pour le coup, on sent que c'est de lui que vient tout le récit. Parce que c'est un récit qui a grandi finalement très organiquement, mais qui a ce côté très épisodique du coup. Vu qu'on pouvait le faire grandir à l'infini en rajoutant des aventures à Lancelot, on a pour résultat final une espèce de texte qui est très difficile à manœuvrer et manier parce qu'il est tellement long et qui contient tellement d'aventures différentes et tellement d'intrigues, d'espèces de fils qui se croisent, parce qu'il a tellement grandi de façon peu naturelle, enfin naturelle, mais de façon qui est du coup, qui correspond pas à l'idée qu'on se fait d'un récit cohérent. Ce que tu dis, c'est que c'est l'univers étendu de Star Wars, plutôt, en fait. C'est un peu ce côté-là, finalement. Il grandit de façon assez... un peu à la... Enfin, comme je te pousse, finalement. Il y a ce côté-là, tiens, là, on va insérer un récit sur ça, faut insérer tel récit. Et ça mène aussi, finalement, et c'est ça qui explique aussi la complexité de quelque chose comme la suite Vulgate, quelque part. S'il faut expliquer tout ce qui a une origine... Non, elle fait pas tout ça, mais s'il faut expliquer tout, c'est un peu le même problème dont souffrent, finalement, les continuations de... Je trouve que le problème des continuations de Perceval est assez présent dans le Lancelot aussi, par exemple. Mais c'est pas étonnant que ce soit ce grand cycle qui ait finalement captivé les mémoires, parce qu'une fois que tu le rassembles tout ensemble, c'est vraiment c'est plus long que l'histoire du monde, c'est vraiment un monde en soi, quoi. Ouais, tu as un livre-monde, comme disait Skinnik à propos de... Enfin, il y a un livre sur l'histoire des Saint-Gall qui est sorti récemment en 2017, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais il parle de livre-monde à propos de l'ampleur de ce que concerne le récit. Je pense que c'est un problème, c'est que effectivement, c'est pas forcément très habile comme narration de te dire là, Lancelot arrive vers des lions qui en fait avaient été mis là après la mort de son grand-père qui avait été décapité par un sinistre larron. Et puis en fait, le fait d'avoir la narration qui se passe comme dans des flashbacks où il y a un ermite qui sort et qui t'explique ce qui se passe, c'est pas très habile. Mais le fait de, en plus de cet ermite là, on va te faire une œuvre avant ça qui va déjà te le raconter en temps réel et te dire que plus tard tu le verras dans le livre suivant, c'est pas non plus très satisfaisant, en fait. Mais je trouve que c'est peut-être pour ça que de la même façon que regarder la prélogie de Star Wars après avoir regardé la trilogie originale marche sans doute mieux que l'inverse, lire le Lancelot avant de lire les autres œuvres est sans doute une bonne idée. Parce que ça vous permet d'éviter ce que c'était fait du coup de double whammy où vous avez à la fois l'origine stories et après le Lancelot où on explique avec un flashback l'origine du truc. C'est ce côté un peu plus intéressant du coup. Vous êtes L'ordre de rédaction est certainement plus intéressant que l'ordre dans lequel vous êtes censé les lire, pour un lecteur moderne en tout cas. Après, c'est ça aussi, on a une idée très moderne du récit, de ce qui fait un bon récit. Dans une idée de lecture par épisode par exemple, le Lancelot fait beaucoup plus de sens qu'il le ferait en le lisant. En s'asseyant un jour, puis de lisant de A à Z, quoi. Mais c'est quand même des textes qui m'ont surpris, parce que pendant longtemps, j'avais repoussé justement le fait de lire le Lancelot, parce qu'il est tellement long, et puis que c'est très facile de se perdre. J'avais essayé de le lire une fois, puis après j'avais abandonné, parce que simplement, juste à cause de sa taille. Pareil pour la suite Vulgate et l'histoire d'El Saint Graal, je les avais un peu lus en diagonale, puis je me disais, j'avais une image mentale où j'avais l'image grossièrement de ce qui allait se passer, je me contentais de résumer, puis j'imaginais les batailles. Mais en fait, ils m'ont quand même surpris par leur qualité, il y a quand même des perles là-dedans, épisodes sympathiques, des moments psychologiques sont plus fins que ce qu'on attendrait habituellement, des moments un peu comiques aussi, je veux dire le fait d'avoir Nassien qui réveille l'ermite à côté de lui et qui lui demande est-ce que tu dors, c'est quand même très vivant comme texte et on s'attendait pas de l'avoir dans ce genre de texte, et il y a quand même quelque chose de très intéressant dans tout ça. Oui, on peut se plaindre de la narration et ce qui explique peut-être que les chercheurs modernes le trouvent un peu chiant, mais pour le coup la langue utilisée est pas du tout plate. Si je regarde l'ancien français, c'est toujours assez imagé, mais c'est aussi bien écrit en général. C'est pas simplement, c'est pas aussi mauvais par exemple que la mise en prose, parce que pour le coup en termes de prose mauvaise, regardons par exemple le premier Merlin en prose qui est pas terrible, mais surtout le Joseph d'Arimathie en prose, la première version qui est laborieuse à lire quand même. Oui, surtout qu'il se passe pas grand chose, et puis t'as quand même l'impression que ça dure pour toujours. Et surtout, c'est court, mais c'est court, mais t'as l'impression que c'est des plombes. Alors que là, c'est long, mais ça se passe assez bien. Ça a ce côté un peu Page Turner qui explique aussi peut-être le succès de ses œuvres. Mais d'un côté, je comprends aussi l'idée qu'ont eu après les continuateurs du Lancelot Graal et de la Vulgate, dans ce qu'on appelle maintenant la post-Vulgate, qui est cette espèce de version condensée, de vouloir par exemple élaguer très largement le Lancelot, de vouloir se concentrer sur les parties vraiment juteuses, pleines de matériel intéressant. Ça, ce sera un sujet à part, mais je pense qu'il y a déjà une dimension où ces œuvres-là sont une tentative de rendre un peu plus sensationnelles des œuvres qui n'étaient pas forcément passionnantes. C'est-à-dire que fait l'histoire d'El Saint Graal ? C'est on va prendre l'histoire de Joseph d'Arimathie qui n'était pas géniale, et maintenant tu la lis, puis c'est beaucoup plus trépidant parce que tu as des miracles, tu as 14 miracles de Dieu en plus, tu as des batailles, tu as tout ce qui fait en fait de l'action dans un roman médiéval a été injecté. Pareil pour la suite Vulgate, on va prendre Was et Geoffrey qui sont quand même un peu c'est plan-plan, on va les prendre, et puis là t'as Merlin qui fait de la magie, il y a l'histoire de Nignan, il y a du drame familial avec les barons, il y a quand même cette volonté de on l'appelle la suite historique parce qu'il y a beaucoup de batailles et tout, mais il y a quand même une volonté de romaniser cette histoire et d'avoir des problèmes interpersonnels qui viennent se nicher là-dedans et créer du drame en fait, qui n'est pas forcément là avant. La suite Vulgate crée des personnages qui sont pas forcément très évidents dans certaines versions de la matière de Bretagne, surtout dans les premières versions, les versions historiques. Il y a ce côté aussi peut-être qui s'explique parce que le Joseph d'Arimathie a une volonté très didactique finalement d'expliquer comment on en est arrivé là sans vouloir forcément prêter d'intérêt au processus d'y arriver là, si tu veux. L'intérêt est purement théologique parce que c'est ce côté un peu illuminé du Graal là, pour le coup c'est ce côté beaucoup plus fantastique qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir un côté très basé dans le fait, c'est plutôt le côté fantastique de ces nefs magiques qui permettent d'aller n'importe où, ces aventures qui se limitent intercontinentales entre la Terre Sainte et la Bretagne. Mais du coup, moi, je pense que je pense que mon préféré reste quand même la mort le roi Arthur pour sa cohérence et disons son développement assez naturel. Mais je pense que le Lancelot doit quand même être mon deuxième préféré, même si je sais qu'il est pas forcément dans ton. Ouais, il est très dense, je trouve. Il est trop dense et trop long pour moi pour bien me plaire. Il y a des passages qui sont vraiment bien faits. Tout le début de Lancelot est fantastique, je trouve. Les enfances de Lancelot sont très très bien racontées. Mais j'ai une affection du coup pour la suite Vulgate, que je ne pensais pas avoir à force de la lire, mais qui a des scènes de personnages vraiment fantastiques. Elle développe beaucoup l'origine des personnages, elle est vraiment très enrichissante pour ce côté. Et c'est assez facile, c'est assez intéressant qu'elle soit du coup devenue la source de pas mal d'éléments un peu comme ça, qui sont bien comptés et mais qui sont aussi pas si utilisés que ça. Typiquement, l'idée que Gauvin est en conflit avec Lot parce qu'il est allé rejoindre Arthur, c'est fantastique comme idée. C'est formidable. Mais pourtant, on n'en fait pas grand-chose. On fait pas grand-chose. Dans la matière de Bretagne quand on parle. Alors que, éventuellement, le seul qui exploite ça un peu, c'est Kaamelott. Ouais. Et le côté divin, Kaamelott qui ajoute aussi Yvain, qui est fils du coup de Léodagon au lieu de fils d'Urien, mais Kaamelott fait quelque chose d'assez intéressant avec ça, qui pour le coup, un peu distingué parce que Gauvin est un peu bébête dans Kaamelott, mais là. Il y a vraiment une richesse de potentiel dans cette idée que Gauvin et ses frères et ses neveux et ses cousins, tous les neveux d'Arthur, sont allés rejoindre Arthur un peu contre le gré de leur père, qui sont en rébellion. Cette idée aussi, finalement, de la relation avec Ban et Bort, qui est totalement absente du reste, en fait, et qui est là juste pour expliquer vraiment les liens entre le Benoïc et Egon et le reste du royaume d'Arthur, sont finalement pas si exploités que ça dans le reste de la matière de Bretagne. Ouais, moi, je dirais que si vous avez le temps si vous pouvez prendre le temps de le lire et de le lire posément, et puis c'est clair que si vous devez le lire, par exemple, dans un contexte scolaire, c'est assez, je pense, pénible parce que vous avez vraiment la tentation de juste feuilleter les pages le plus vite possible pour le finir. Mais si vous arrivez à prendre le temps de le lire, il y a quand même beaucoup de choses, je pense, que vous allez en tirer. Personnellement, l'histoire d'El Saint Graal, je pense que beaucoup des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est le rapport que les personnages avaient avec ce merveilleux chrétien. Je m'y attendais pas à avoir autant de manifestations, disons, de scepticisme, ou simplement quand il se dit « Ah, oh, cette bête merveilleuse, l'ermite l'a vue aussi, mais je sais pas si quelqu'un d'autre l'a vue. » C'est une réaction très moderne, finalement, de « Oh, j'ai vu le monstre, mais est-ce que quelqu'un d'autre l'a vue? Est-ce que quelqu'un a partagé cette expérience que j'avais avec? Est-ce que c'était réel ?» Les scepticismes qui sont mis face aux chrétiens, qui répondent pas, ils préfèrent leur balancer des miracles à la tronche, donc c'est assez drôle aussi. Mais il y a cette dynamique-là que je m'attendais pas du tout à trouver, que j'ai trouvé assez fascinante, en fait. Comment est-ce qu'ils abordaient ces signes de Dieu pour parler à la c'est pas sorcier, oh, un signe de Dieu, et comment est-ce qu'ils abordaient ce merveilleux-là, je l'ai trouvé assez fascinant. Puis je pense, celui qui a finalement le plus périclité dans mon top 5 personnel, je pense que c'est la Quest del Saint Graal, dont j'ai jamais été, et c'est un des premiers que j'avais lu comme texte arthurien, jamais été très fan, et en comparaison du reste du cycle, je trouve que ouais, c'est vraiment pas mon ça reste vraiment pas mon favori. Bah, pour le coup, c'est marrant que l'histoire du Graal t'ait plus que la Quest, dont elle est pourtant très dérivative. Justement, ce qui me plaît le plus dans la Quest, en fait, c'était les parties qu'ils ont repris dans l'histoire, donc par exemple la nef de Salomon et l'histoire de l'arbre de paradis, et peut-être le passage où Perceval est tenté sur l'île avec le bateau, il est clairement bien mieux fait dans la Quest, donc ça c'est clairement supérieur, et puis l'histoire bégaye un peu en le reprenant et en le faisant 5 ou 6 fois, mais je pense qu'il y a quand même certaines qualités qui ont été, qu'elle a pu inspirer, mais que son exécution, je pense que c'est pas la pire histoire du Graal. La pire histoire du Graal, à mon avis, ça reste le Parsifal, on en parlera un jour. Je trouve que c'est celle qui a la conclusion la plus plate et la moins intéressante. La Quest des Saint Graal a quand même au moins une espèce de crescendo. C'était la fin du Lancelot Graal. On se sent un petit peu vide après. Oui, après c'est ça. Je dirais, à part ça, si vous voulez vous faire un projet de vacances d'été, par exemple, vous dites, ah tiens, je vais lire tout le Lancelot Graal. Ne vous dites pas, je vais lire toute la mythologie arthurienne, parce que c'est pas possible. Si vous avez déjà fait votre déclaration d'impôt en avance et que vous cherchez d'autres choses trépidantes à faire, pourquoi? Non, mais ça peut être intéressant à lire. Je pense pas que ça doit se lire comme un. Je pense pas que vous pourriez lire ça comme vous le disiez, par exemple, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones ou un truc comme ça. C'est vraiment un projet de relecture qui doit se faire lentement. C'est comme on relit Proust, en fait. Bon, pour ça, moi, je lis Game of Thrones un peu de la même manière. Hein. Je veux dire, les livres de Game of Thrones. Ah non, Game of Thrones, aussi, moi, quand j'ai commencé, bon, j'avais 13 ans, donc qu'est-ce que je savais, ce qui était bon. Mais j'ai lu ça de façon très, très, très expéditive. Alors que pour le coup, ça, je lis ça comme je lirais Proust, par exemple. Tu vois, la Vulgate, c'est vraiment un truc très long, très. Qui fait beaucoup de méandres et qui vaut la peine d'être lu relativement lentement, aussi de par sa nature assez épisodique finalement. Donc je pense qu'à part ça, si vous arrivez à mettre la main sur les textes de la Pléiade, soit que vous avez un riche oncle qui vous les offre pour Noël, soit que quelqu'un les ait scannés, les ait mis sur internet, mais quelle sorte de criminel ferait une chose pareille? Quelle sorte de criminel n'aurait aucun respect pour suggérer ça à nos auditeurs respectueux? Non, mais franchement, si vous tombez sur un oncle qui a une collection complète de la Pléiade, ou vous avez simplement accès à une bibliothèque bêtement, prenez-les. Franchement, la traduction n'est pas horrible. Du point de vue scientifique, c'est là où ils pêchent. Franchement, c'est des mauvaises éditions critiques, je trouve. C'est en termes d'utilisation, en termes de référencement, c'est pas pratique. On soutient c'est le camarade Traxler dans son entreprise. Le camarade Traxler va. Non, on va aller militer sous ses fenêtres à tenir une boombox ou le sonner chez lui, puis avoir les panneaux comme dans Love Actually, puis tu sais. Suite vulgate. À Noël, on aimerait que tu nous fasses une suite. Non, mais voilà, il a tout à fait raison quand il dit que la Vulgate doit être éditée de façon un peu plus intuitive. Non, les lettres gothiques pourraient prendre la peine de faire l'histoire du Graal et le Merlin. Franchement, vu qu'ils ont fait 5 tomes du Lancelot, ça pourrait valoir le coup. Ça, franchement, sérieusement, les mecs. Allez-y, quoi, jetez-vous à l'eau. Ça. Puis, si vous nous écoutez chez Gallimard et que vous voulez nous envoyer un exemplaire de la Pléiade complète, même après qu'on ait cassé du sucre. Finalement, on a changé d'avis, c'est super. Mais... À part ça, c'est la Pléiade, c'est pas fait pour des. C'est indispensable, c'est littéralement indispensable comme édition, je pense. C'est ça, c'est pas une édition qui est faite là pour toi et moi, en fait. C'est pas d'édition de maniaques qui veulent à pouvoir regarder les variantes mères à la lettre près. C'est une édition qui est faite pour des lecteurs, des grands lecteurs, des gens qui aiment bien collectionner et qui veulent avoir une version complète. Et pour le coup, le fait de s'être basé sur le manuscrit de Bonne, quitte à en suivre les pires aberrations, pourquoi pas faire commencer là où ça commence dans le manuscrit de Bonne, si vous voulez répliquer l'expérience merdique de lecture, mais des gens qui possédaient le manuscrit de Bonne. On l'a dit, pour des francophones qui veulent lire ce texte, c'est absolument incontournable comme édition. Donc vraiment, n'allez pas les yeux fermés, mais utilisez-la avec... En réfléchissant bien, c'est aussi plus pratique de se trimballer une Pléiade que 3 volumes des lettres gothiques sur papier plus épais, il faut le dire aussi. Ou les volumes de Sommer. Donc voilà, jetez-vous dans la Vulgate en prose. Franchement, ça vaut le coup. Tellement de trucs arthuriens qu'on connaît ont été codifiés là-dedans. que... Après, vous pourrez être pédant avec des Anglais sur Internet qui ont lu que Mallory. Et franchement, quels autres plaisirs de la vie il y a à être pédant sur des petites minuties arthuriennes. Mais non, il y a vraiment beaucoup à faire. Et je pense que la semaine prochaine, on va quand même faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Voilà, relaxant. Un peu plus relaxant, des textes un peu plus courts qu'on a un peu négligés dans notre... Imagine ce que ça va être quand on va faire Mallory en propre, quoi. Oui. Bon, je pense qu'on pourra beaucoup dire « Oh là, c'est comme on a dit dans tel épisode », et puis traiter que les changements. Oui, effectivement. Mais la semaine prochaine, on vous traitera notamment du Chevalier à l'épée et de la Mule sans frein, qui sont deux textes très courts, deux petites romances isolées, parce que la légende arthurienne, ce n'était pas uniquement ces énormes cycles qui, justement, couvraient absolument tout. C'était aussi des espèces de one-shot, on va dire, des textes qui traitaient l'aventure d'un chevalier, d'une personne, et qui l'amenaient à son terme, un peu comme le faisait Jacques Chrétien, et là, encore bien plus court, et ça va peut-être nous permettre de nous reposer un petit peu avant d'aborder d'autres monstres littéraires, comme on est jalonné le Moyen-Âge. Et surtout de vous laisser reposer un peu votre cerveau après tout ça. Sur ce, on vous retrouve le mois prochain, le 21 novembre en principe. On a un peu décalé effectivement le rythme de ces émissions. Et d'ici là, on vous souhaite un très bon mois d'octobre et de début novembre. Et on vous dit à la prochaine fois. Et rappelez-vous, la quête continue.